Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue à cette caméra un peu zoomée, je pense. Que se passe-t-il? Ben, c'est pas désagréable. Ouais, mais je vais l'ajuster. Ah, OK. OK. Bienvenue à l'épisode 158 et de chez Papa Cassette. Et j'ai découvert un site, mesdames et messieurs, qui contient tous les numéros qui ont déjà été pris pour, dans le Canadien et la liste de joueurs par voilà. Numéro. Alors là, on a... Si tu veux, je la zoome. On peut la zoomer aussi, mais... Ben, y a-tu un il y avait trois il y avait trois options, en fait. On était sur le plus zoomé, c'est le moins zoomé. Il y a un entre deux, si tu veux checker. Ouais. Ah oui, on va retourner ici dans le logiciel. Logitech, on a ça ici. Ben, Chris, j'aime ça. Essayons ça. OK. En plus, on voit ma belle chemise, comme Reto Gamers Fan dit. Merci. Mon beau chandail, on voit ton beau chandail. De WCW Nitro. Exact, de lutte. Bien on est encore dans mon, tu sais, mon 300$ que j'avais garoché dans des vêtements. Exact, exact. J'y passe ici pour la première fois. Yes, SSS Frank qui est là. Alors, comme je disais, j'ai découvert un site web de tous les joueurs des Canadiens existants et tous les numéros qu'ils ont portés. Alors, dans le numéro 1, ici, on a plein de joueurs. Et aujourd'hui, on choisit l'excellent Gump Worsley qui a joué pour le Canadien de 1964 à 1970. Et pour faire le 58, un nom... qui va vous ramener sur terre, mesdames et messieurs, Sven Andrighetto. Hey, Sven Andrighetto. C'est malade. Qui a joué en 2015. Oui, on couvrait le Canadien à cette époque, la soirée du podcast. Il me semble que j'ai déjà parlé de Sven Andrighetto dans ma carrière oui, de podcaster. Puis pour ceux qui s'intéressent à Gump Worsley, son surnom, c'était The Gumper. Et puis, c'était un gardien et il attrapait de la gauche. Bon. De la gauche. Et voilà. C'est peu orthodoxe. Peu orthodoxe. Non, attends. Ben, moi, j'attrape de la gauche. La plupart des gardiens. Je suis pas gros, ouais, je sais pas. Ouais, je pense que c'est la base. Ouais. Baseball, de la droite, la gauche, toi? Ben, de la droite. Non. La gauche. La gauche. Tu lances la droite. Ah, ouais, c'est ça. Tu lances la droite. T'as raison, à moins t'as que tu raison. Sois à l'envers. Dans le chat, on dit, on va les mettre à l'écran d'ailleurs, on disait le bon David Savard, effectivement. Oui, David Savard, mais on trouvait ça un petit peu plate. Fait qu'on feu David Savard. On voulait être créatif. Fait que maintenant qu'on a un site web qui a tout ça dedans, on va utiliser ça. Il y avait un numéro qu'on n'utilisera pas là, dans le deuxième tantôt là, que j'ai adoré. Là, ouais, Bert Corbeau. Bert Corbeau. C'était ça? Quelque chose du genre ça, c'est Bert Corbeau. Attends, j'y reviens. Là. Moi, je ferais un jeu d'une série de jeux que le protagoniste, c'est Bert Corbeau. Ouais, c'est Bert Corbeau. Bert Corbeau. C'est le meilleur nom de joueur de hockey de tous les temps. Ça. Ah ouais, c'est un défenseur qui tirait de la droite. Défenseur. Il est décédé aujourd'hui. Il venait de Penetanguishene en Ontario. Ah. Belle petite place, ça, pour mourir. Pour se guetter de la cocotte. Se guette de la cocotte. Pour se guetter de la cocotte. Ouais. On va-tu se guetter de la cocotte? On se guette de la cocotte. Ah, les gens se joignent, finalement, Dom. On avait peur. Il n'y avait pas personne qui était là. Finalement, ça joint. Exact. Gamerson est là. Blastman est là. SSS Frank. Mr. Super Rat. Michael Baroque Larouche est là, mesdames et messieurs. Petit Mike, est-ce qu'il a annoncé aujourd'hui? Puis on va en parler. On a le droit, c'est public. Michael nous gardait dans le secret du jeu sur lequel il travaillait depuis le mois de novembre. Ah oui, c'est annoncé, là? Là, c'est annoncé. Et il s'agit... Parce que vous savez, Mike travaille pour Atari. Et Atari ont acheté le studio Digital Eclipse. Fait qu'en fait, Mike travaille chez Digital Eclipse. Donc, pour Atari. Et puis, c'est la compilation Mortal Kombat. Ah, pour vrai? Wow! Tous les jeux d'arcade. Ben, tout. En tout cas, les jeux d'arcade classiques, les jeux de console, les jeux de Game Boy. Ça va être une belle compilation. C'est hot, tout comme la Kawabunga Collection... comme la Atari 500 Collection et la Street Fighter Collection. Donc, publié par Golden Romeo. Publié par Golden Romeo. Donc, en collaboration avec Bert Corbeau. Je ne suis pas hyper fan de Mortal Kombat, pour être franc. Je suis vraiment plus Street Fighter, mais c'est une belle petite compil. J'ai joué plus à Mortal Kombat que Street Fighter quand j'étais jeune. Moi, de façon, c'est ça. Hein? Il y en a qui sont plus un puis l'autre. C'est ça. Ah, c'est vrai, il y a du hockey à soir. Non, on me demande si ça m'arrive de bêter sur les games. J'ai fait ça une fois dans ma vie, bêter sur une game. Puis j'ai mis 5$ sur le Canadien et j'ai gagné 12. Ah, ça a été ça. Toi, tu gagnes tout le temps. Non, Chris que non. On a Michael qui drop ici. Arcade, MK1, MK2, MK3, UMK3, MK4, Super NES 1, 2, 3, Genesis 1, 2, 3. Ultimate 3 aussi. Ouais, Ultimate, ouais. 1, 2, Game Boy, Game Boy Advance, Deadly Alliance, Tournament Edition. Wow. OK, yeah, wow, OK. Excellent, ça. Donc, toutes les cassettes et les arcades. Du gros travail, encore une fois. C'est du beau travail, ça, messieurs. Bravo, bravo. Félicitez tout le monde. Ah, Game Gear aussi, MK1. Si tu veux avoir du plaisir. On dit bête pas trop, Jeff veut pas te perdre. C'est ça qui me tient en vie. C'est ça, le gambling. Les petites victoires. Moi, c'est la coke. Ah, c'est ça. On est correct. Chacun sa drogue. Hey, là, on a un gros spectacle ce soir. On a des choses à dire en intro. On a de la collection. Fou. On a des jeux qu'on a joués au WEG. Et puis, j'ai une critique. Et tu as une critique. Et on a des tonnes de questions du public. Fait que je pense pas qu'on va faire tout ça. Peut-être qu'on va pas tout faire les questions du public. Mais on va essayer. Ah oui, j'en veux justement. Parce que ça va fitter avec le premier sujet de l'introduction. Il s'agit du WEG. Je te prendrai une petite varte, s'il te plaît. Oui. Donc, il n'y a pas eu de spectacle. Dans le fond, on le fait aux deux semaines. Et il y a deux semaines, il n'y a pas eu de spectacle parce que c'est. On revenait du WEG dimanche. Et puis, le show était mercredi. Et moi, j'avais des choses lundi, mardi. Et j'avais le show mercredi. Puis, j'avais de quoi vendredi, jeudi. J'avais de quoi tous les soirs. J'étais claqué du WEG. J'avais des grosses journées. Puis pour vrai, j'étais pas là. Je le filais pas pantoute. Fait que j'ai préféré qu'on prenne une petite pause. Ouais, puis moi, j'ai fait oui, une petite pause. J'aurais pas à me claquer toutes les vidéos du WEG tout de suite à préparer. Exact, ça, là, exact. Ben, c'est ça, là. Totalement. Fait que désolé, guys, on avait besoin d'un petit break, mais un petit break, ça fait toujours du bien. Tu sais, j'arrive chez nous, moi, du WEG, j'ai pas fini quand j'arrive chez nous. Faut que je remonte la plancha, je remonte ma TV. Ben oui, c'est ça. Tout ça, là. Ah oui, c'est beaucoup de gréement là, que tu trimbales. Yes. Fait que, c'est ça, mais on a eu une très belle fin de semaine de WEG. Bien plaisant, encore une fois. Ouais. C'est le week-end gaming, une trentaine de personnes dans un chalet à Tremblant. On est retourné à Kanata. Faire un tour aux sources. Aux sources, en effet. Et puis, Mr. Rat qui demande qui a été le plus chaud. As-tu déjà. J'ai pas été. Ben, jeudi, j'étais chaud pas mal. Moi, j'étais chaud aussi tout le long, pas mal. Ouais. Moi, je suis dans les gin tonic. Ça a fait mal. Mais moi, on j'ai. On en parlera, là, mais ouais. Je suis tout le temps moins chaud le vendredi. Puis le samedi, je bois peu. Puis cette année, j'ai fait un test. J'ai même pas bu. Parce que je me rends compte, en vieillissant, que comme manger juste de la scrap puis boire de l'alcool, même si je bois de l'eau, c'est qu'il y a aussi le peu de sommeil qui vient avec. Ben oui. Puis ça a tendance à me rendre dépressif. Pour vrai, là, j'ai commencé à avoir de la misère avec ça. Fait que j'ai pas bu samedi, puis dimanche, j'étais quand même pas mais trop mais je bois jamais beaucoup au WEG parce que j'ai trop de bière. Moi, ça me ballonne. J'ai de la misère à m'amener. Mais là, les petits drinks, là, ça passe bien, ça. L'alcool ouais, fort hein. En gin tonic, là, ça a roulé. Puis le dimanche, il y a eu un événement aussi auquel on n'a pas participé, je pense. C'était la run d'endurance. Donc, c'était dimanche, une Miller High Life. À toutes les 45 minutes. C'était pas le dimanche, le samedi. Ah, c'était samedi. Ouais, non, moi je participe pas à ça. À toutes les 45 minutes. Je fais d'autres choses, mais pas ça. À partir de tout de suite après le déjeuner. Les petites bières de soie. Hey, les gars, finalement, 4 heures plus tard, ils ont étiré ça à aux heures au lieu d'aux 45 minutes. Ah, ouais, ben tu sais, c'est pour ça aussi que ça s'est couché tôt, là, ce samedi. Hey, moi pis Ellie, on est chaud, on s'en va faire 11h45, minuit, on va faire des grilled cheese au bacon, tout le monde, on remonte en haut, les lumières sont fermées, tout le monde est couché, je suis comme, what the fuck, ouais. Minuit et demi. Descends en bas, Dom avec Nathalie avec Palace était là. Qui bûchait sur du Castlevania. Ah ouais, ben Palace qui était là, et puis il a fait une run contre Sensato à le jeu Demon machin, c'est un jeu de Super Famicom. Okay. Puis Sensato détient le record mondial du speedrun, ouais. Puis Palace est 14e. Fait que là, ils ont fait une run. Il y a le record mondial pour vrai. Ah, ouais. Wow. De speedrun de ça. Et puis King ils ont fait Demons, ça. King of Demons, dans le chat. Michael Larouche. King of Demons, Michael, en effet. Et puis ils ont fait ça. Il fallait qu'il bu un petit peu d'alcool. Fait que là, c'était rigolo. Mais Palace aussi travaille. Ben, c'est Pierre-Alexandre Lassonde. Hein, oui, qui était venu au podcast ici, Québec Mortis. Là. Et puis on l'a tellement aimé. Nouvelle recrue du WEG. Exact. On a tellement aimé sa vibe. Il a pas été assez longtemps, par exemple. Mais sa blonde est enceinte, il était busy. Là, okay. Il avait des obligations familiales. Mais il a pu rester une soirée de plus. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, je l'ai réveillé. Le matin, il dormait sur le divan. Le monde grouillant en bas pour le déjeuner, puis genre il se réveille, je mets juste genre un plateau de bacon dans tout du nez. Bienvenue au WEG, il était en haut là. Ah, il était tellement un trooper, il est arrivé avec sa glacière, puis il promenait ça partout, donnait des petites bières. Il est arrivé, on peut te plugger une console ça? C'est ça. Puis, il est très bon aussi à Castlevania 2, ouais, qui grind. Fait qu'on l'a fait ensemble. Fait qu'on a eu la bonne fin. Là, il me montrait quoi faire. Puis, j'ai participé un peu. Puis, on a fait de quoi. Puis, ça, c'était samedi aussi en fin de soirée jusqu'à minuit et demi. Puis, rendu là, j'étais plus capable. Arrête. On a fait Castlevania 3, no weapon whip only. Fait que pas de sub-weapon puis pas de personnage. Là, t'sais. Fait que c'est Trevor jusqu'à la fin. Et puis, on s'est rendu à Dracula. Puis moi, Dracula, je l'ai toute ma vie, je l'ai fait à la hache. Fait que j'ai jamais pris les petites plateformes. Fait que, bref, à la fin, lui, tu sais, à un moment donné, les Wagger, ils tombent improductifs. Ils s'en viennent trop chaud. Puis là, ils scrapent les games. T'sais, ils prennent tout le temps des continues. Puis ils meurent à des places qui sont jamais morts avant. Là, ils étaient rendus là. Pas là. Fait que mais moi, j'étais à jeun, tu sais. Puis là, j'essayais, mais là, la fatigue m'a achevé. J'ai pas réussi, mais Chris, ça a passé proche. J'ai observé un peu ça. C'était, ouais, fait que c'est ça. Sinon, t'avais amené ta plancha. On a fait un gros service de Smash Burgers. Ouais, ça, c'est un problème. D'ailleurs, 7h30, il devait être en train de faire le souper. Je me dis, là-bas, tout le monde est en train de faire de quoi? Les gars, le souper. Alors, vous devez penser à ça. Je tabarnak, il 7h30, les gars. On a fait des Smash à genre 10h le soir. Il faisait chaud. Toi, moi, puis Fred, là, ça te bat la plancha. On s'est mis en chess, on est luisant genre dans le noir. Là, Fred a dit, Chris, je pense que j'ai scrappé mes pantalons. Il y a du gras partout à terre, c'était glissant. C'était la fête au bon Fred, puis il voulait ça, puis sa fête faire des Smash Burgers lui-même. Fait qu'on on a smashé tout ça. Moi, j'ai aimé ça. C'était comme un service de restaurant, man. Là. Tout le monde avait ses tâches. Moi, je cuisinais pas, mais tu sais, je renais en haut, en bas. J'allais porter les affaires cuites. Je mettais des tranches de fromage. On a smashé des patates. Oui, tout a été fait. Là, c'était beau. On a pris ça en main, man, puis on l'a livré. Tôt on a livré la marchandise. On a fait des hamburgers smash Dickens sauce. Ah, c'était bon, tabarnak. Et je l'ai trop mangé. Aussi. Ah, ouais, c'est ça. Le trop manger est quelque chose qui se passe au Weg aussi. Il faut sortir. T'as tellement faim, il est rendu 10h, t'as pas. Exact. Puis moi, jeudi, c'était la soirée du smoked meat. Puis moi, j'adore tellement ça. Là, je n'ai mangé, genre, ben trop. Ouais, là, moi, ça, les j'ai tacos, aussi, ça j'ai trop mangé. J'ai tout trop mangé à chaque fois. Là, c'est ouais, c'est malade. Fait que. Il a fait beau. Il a fait beau, il a fait chaud au début. Après ça, il a plu. Oui. C'était bien. Là, mais on s'est fait des petits feux dehors. On a pu jouir de ça parce qu'habituellement, on fait plus tôt. Fait qu'il fait fret, donc on reste tout le temps dedans. Un peu de spa. Vraiment. Un weg. Un weg réussi. Notre chalet gaming, où ce qu'on était le plus, a été très vite baptisé le chalet Gin Tonic. Il a fini par changer de nom pour genre le chalet des obsessions. Là. Parce qu'il y a eu quelques obsessions dans ce chalet-là. On en parlera tantôt avec nos jeux. Là. Le monde qui ont fait d'être obsédé sur des trucs, oui. Dont moi, Ellie, sur quelque chose que j'avais déjà parlé quand j'étais à San Francisco. Oui, puis une chose qu'on parlera pas plus tard, parce que c'est pas nous autres qui a tant joué, mais Jump King. Je l'ai. Tu l'as? Parce que Brizard a dit qu'il faut vous parler de Jump King, fait que je l'ai pris. OK, parfait. Il faut en parler, man. Le monde, on se virait fou. Oui, puis j'ai vécu un des plus beaux moments du WEG avec PA, d'ailleurs. Je te parlais tantôt. T'étais pas là, je pense que tu l'as pas vu cette affaire-là. Ah, ouais, hein? Mais ouais. Fait que oui, c'était le WEG. Belle fin de semaine encore une fois. Absolument. Pas de mort. Fait que. Pas de mort, moi j'étais chaud, mais brisé. J'ai bien filé, là. Ça a bien été. Ouais, moi aussi. Puis on a fait. Mais en plus, je voulais filmer des affaires. Là, on s'est dit, je vais filmer plein d'affaires. Puis finalement, on le fait. On l'a même pas gamé ensemble, à peu près. Oui, on s'est dit, on va faire des schmops. On a rien fait. On a jamais gamé ensemble. On a gamé un petit put, là, sur ma pocket, mon gossette des affaires, là, pas longtemps. Ouais. Puis j'ai assisté à des jeux que t'as fait, là, mais je gamais pas pendant ce temps-là. Ben, ça donne de même, là. Il n'y a pas de. Tu sais, on y va. Mais là, on avait deux chalets split aussi. On n'était pas à la même place. C'est, ouais, c'est ça. Moi, j'aime mieux, je pense, les plus gros chalets dans. Les chalets corpo qui sont tous dans le même environnement, là. Ouais. Même si c'est une station, tu peux facilement te déplacer et aller voir ce que le monde font. Là, c'est comme, il faut que je sorte, j'aille voir, il y a tout le monde là, en haut, en bas. Ouais. Pis... Ah, mes bières sont dans l'autre chalet, j'allais chercher ça, je reviens. Y a-tu quelqu'un ici? Ah, ok, non. Ah, le souper est prêt, ok, on laisse ça là, on revient. Fait que. Il y avait un petit chemin qui était quand même le fun, là. Ouais, absolument. Fait que on va parler de nos jeux tantôt, on va en couvrir une gang. Sinon, JF, toi, t'avais de la piscine à raconter. Ah, il faut que je me mouche en même temps. Ouais, mais... ben les gens à la maison veulent tout le temps avoir des updates de ma piscine puis des choses qui brisent. Ben figurez-vous qu'en ce moment, il n'y a rien de brisé du tout. Tout est beau, tout tient. J'en reviens pas. Il y a chose du beau bois ici. Je sais pas si c'est du vrai bois, tout est correct, il n'y a rien qui s'est brisé, mais il est arrivé une belle histoire. Là. J'ai ouvert mon terrain en fin de semaine, là, je me suis rendu compte que j'étais vieux d'homme. Puis de me lever le lendemain d'avoir planté des fleurs parce que j'avais mal dans les jambes. Là, c'est des choses qui arrivent. Là. J'ai une marmotte sur mon terrain. Une bonne grosse marmotte depuis longtemps. Il y en a partout. Elle a eu des bébés. En fait, je regarde avec mon gars, j'ai un petit bébé. Regarde, il y a quatre bébés. Il y avait quatre bébés marmottes sur le terrain. Je dis, c'est drôle. Hein? Un matin, tu sais, je suis comme, bon, faut que j'aille mettre le sel dans la piscine pour voir le niveau du sel. Fait que là, tu sais, je m'en vais en arrêt de la remise. Oui. Puis là, tu sais, quand tu double tape quelque chose, tu regardes, t'es comme, hein? Il y avait une marmotte qui flottait dans la piscine. Ah, pas la mer? Ben, c'est ça que je pensais au début. Comme dans, c'était comme un moteur de poêle pris dans l'échelle. Je suis comme, genre, tabarnak. Je regarde de loin, je suis comme, ah, c'est ça là, est gros, ça est sûrement en mer, je calisse. Comment je sors ça de là, je suis tout seul. Il fallait que j'appelle la protection de la faune et de la flore pour leur demander quoi faire. Là. Tu peux pas juste mettre ça dans un sac. C'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Ben, compost. Là, ah mais, oui, ils ont dit mettre ça aux poubelles. Tu mets ça dans un sac à vidange puis tu mets ça dans tes poubelles. Puis t'as pas la semaine de mes poubelles. Ah, oh, man. En ce moment, devant chez nous, il y a une poubelle avec une marmotte depuis mardi passé dedans. Que j'ai ça doit puer quelque chose. Je l'ouvre pas. Genre, j'ai pas une poubelle qui attend, que j'ai juste qu'il ramasse ça puis qu'il s'en aille. Là. Ça aurait quasiment été mieux de la laisser dans la piscine. Chris, non, là. Ah, ça serait décomposé. Ben oui, ça aurait été dégueulasse, là. Mais là, je suis comme... Asti, comment je ramasse ça, sacrament? Genre, oui, c'est hein, gros. Tu mets des gants. C'est un bébé, mais c'est quand même gros, là. C'est, ouais. C'était comme... C'est ça de gros pareil, là. Moi, ils m'ont dit, mets des gants, puis, tu sais, ramasse ça, puis mets ça dans un sac à vidange, puis après ça, lave-toi les mains plusieurs fois pour être sûr, tu sais. Je suis comme... Je suis OK, ben là, si c'est la mère, qu'est-ce que je fais, genre? Il y a des bébés sur le terrain. Ils disent, ben là, faut que t'appelles pour qu'ils viennent les relocaliser. Hein. Il m'a envoyé des sites web de localisation de marmottes, là, mais je l'ai pas fait parce que c'était pas la mer finalement. Là. Ouais. Puis là, quand j'ai vu, j'ai fait OK, je peux la ramasser avec la prise finalement. Là. Elle a dit avaler beaucoup d'eau, ça devient lourd. Ouais, ben, c'est vrai, t'es pleine d'eau. Je sais pas, ça faisait quand. Ça devait pas faire si longtemps, une couple d'heures peut-être qu'elle était là. Mais quand j'ai été voir de proche la grosseur, je suis comme OK, ça doit se ramasser à la prise. J'espère que ma prise défoncera pas, tu sais. Mais là, j'avais fait un plan, j'avais mis 4 sacs à poubelle, un dans l'autre. Dans chaque sac à poubelle, dans le fond, j'avais fait des trous pour même place pour que si je la ramasse avec de l'eau, genre, toute l'eau sorte. J'avais tout pensé à ça. Finalement, j'ai fait oups, la prise, j'ai refermé ça, j'ai cassé ça dans mes pinons, dans mes vidanges. C'est la paix à faire que j'ai ramassé dans ma piscine. Ça. Ouais. Finalement, les souris, il n'y a rien là. C'est... Ben non, les souris, c'est minuscule. C'est minuscule, mais ça, c'était gros. Là. Puis là, c'est gros comme un chat. Là, je reviens dans la cour, puis t'as un autre bébé qui est de même qui me regarde. Je suis comme, oh, c'est triste. Là. Ah, c'est Jaco qui est décédé. Jaco. Mon... Désolé. Jaco, c'est lui qui mangeait les frites, ça. Ah, je sais pas. Ah, c'était ça. C'est le petit. Ah oui, le l'annonce de McCain's. Là. Jaco mange ses frites. Jaco aime le ketchup. Mais sinon, tu sais, la piscine est belle. Je t'avais checké tantôt, elle était à 77 avec mon chauffe-piscine. Ah oui, ouais, hein? Un petit, on pourrait aller se baigner direct là si on voulait. On pourrait se faire un on petit On part chez chose. Mumu chercher de la Miller High Life. Ben puis ouais, on se part un marathon. Un beau projet. Mais on le met aux demi-heures, vous savez, plus vite. Puis on se noie dans la piscine. Ben ouais, on va être dû pour un petit get-together, le gaming piscine, le ah, barbecue. Serait... Là, fait que tout est beau. La piscine est correcte. Hey, moi, je suis all-in pour ça. Là. Call ça n'importe quand. Puis j'ai des samedis de libre, on peut s'organiser quelque chose. Là. Mm-hmm. Question de profiter de ça, j'ai pas payé dans le vide l'année passée pour rien. Non, non, c'est ça. Non, non, on va c'était remplir. C'était 5000 piastres l'année passée, mais il est rentable cette année. Mon gars, chaque jour, on se baigne du papa, il fait genre 8 d'or, là, pour ouais. Le juin. Là. Ah, mais là, ça va mieux. Là, aujourd'hui, c'est ça. Ça a une belle journée chaude. Là. Il va peut-être m'emmener. On va peut-être y arriver. Là. On y arrive. Ouais. C'était mon histoire de piscine de la semaine. Mais c'est le fun, il y a tout le temps des rebondissements. Je la gardais, celle-là, je l'ai pas dit que c'était passé. Parce que j'étais vraiment. Je me doutais que c'est une affaire de ouais, demain. Mais quand tu m'as dit qu'il n'y a rien de brisé, c'est qu'il y a de quoi de nailler là-dedans. Ouais, ouais. C'était quand même un beau record, ça. Sinon, de mon côté, j'ai participé au podcast Blabla Royal de ouais. M2 Gaming. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai été invité là par Marc Desgagnés et puis eux autres. Le M2 Gaming, c'est un genre de site. Là, ça fait longtemps que ça existe. Ça. Très longtemps. Il y avait un podcast sur RZO, me semble, à l'époque. Là. Totalement. Puis aussi, à l'époque même de Rétro Nouveau, quand on était invité à aller essayer la Wii U, puis ouais, 3DS, ouais, ouais. Ces affaires-là, eux autres, ils étaient tout le temps là aussi pour faire de la couverture. Fait qu'ils roulent ça depuis longtemps. Fait que bravo aux gars. Et puis, j'étais invité avec Michael, copropriétaire du coin Game Over, mm-hmm. et Stéphanie, copropriétaire de La Planque à Québec. Ouais, ouais. Donc, c'était une discussion de propriétaire de boutique. Indépendante. Et puis voilà, fait qu'on a parlé ben, en intro des jeux auxquels on jouait dernièrement, et puis on a couvert assez large. On a parlé du rachat, de la clientèle, du rétro, qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il vend pas. On a parlé de la Switch 2, des Midnight Lounge, de l'historique. Comme on a couvert pas mal large. Ouais, ouais. Par contre, mon son était vraiment de la calisse de marde. Okay. Et je m'excuse tout le monde là, pour vrai. Je savais pas que je sonnais de même. Là, okay. Fait que là, j'ai ramené le Yeti. T'étais à distance. Okay, mais j'étais devant mon ordinateur. Moi, je fais mon ordinateur, l'écran, il est sharp et tout. Je fais tous mes meetings avec ça, moi, ouais, tout ouais. le temps. Mais je savais pas que je sonnais comme de la merde. Okay. Fait qu'en tout cas, j'ai ramené le Yeti et puis je vais en rajouter ça. Le Yeti, c'est un bon micro quand même. Il fait à base. Ça là, fait un job. C'est ça. Puis il va faire une meilleure job, mais je suis désolé, là, j'avais aucune idée que je sonnais de main. Fait que c'était fort intéressant. C'est disponible sur le channel des gars. C'est disponible sur YouTube et c'est disponible sur Spotify. Donc, on a eu bien du plaisir avec ça. Fait que c'est cool, tu sais. Je sens... Il n'y aurait pas eu ça avant, tu sais. Il y a comme une... Moi, j'ai créé un chat aussi de propriétaires de boutiques de jeux où est-ce qu'on se parle, tu sais. Ouais, ouais. Puis j'étais allé au podcast du Game Over. Mickaël est venu ici. Ouais, ouais. Puis là, ça, ouais, c'est une belle communauté, c'est bien. Ça... D'entrepreneurs puis de gars et filles de boutiques, là. Exact. C'est ça. On semait une petite graine, puis là, ça se passe, tu sais. Parce qu'il n'y a personne de nous autres qui se parlait. Ouais, ben, ouais. Je parlais avec Flip à Québec, Griffon d'Or à Rimouski un peu, mais j'avais jamais parlé avec personne de la planque, Game Over. J'avais jamais parlé, là, ouais, avant dernière. T'sais. Fait que c'est très bien. C'est très bien. C'est très cool, ça. Ouais. Sinon, toi, JF, t'avais des nouvelles de la Playdate. La saison 2 de la Playdate est commencée, Tom. Oui. Jeudi passé. Rappelle aux gens comment ça marche, les saisons de Playdate. La Playdate est la petite machine jaune avec une crinque, là, pour ceux qui l'ont pas vu. Je l'ai l'amener, puis je l'ai oublié, là. Mais en fait, c'est que c'est des saisons. C'est qu'à chaque semaine, pendant 6 semaines, ils vont te donner 2 jeux gratuits dans ton abonnement, en fait, de saison. Fait que t'as un petit cadeau dans ton plan. T'as payé ta flash, genre, ouais. Puis t'as un petit cadeau à ouvrir, puis c'est un nouveau jeu qui sort. Ils en ont donné 3 pour la première semaine en bonus. Okay. Y en a un, c'est... En tout cas, t'as un jeu, c'est... tu sais, le jeu d'arcade... Akhan, là... Oh, je sais jamais comment prononcer ça, là. L'affaire que tu spins, là, puis tu peux rentrer dans des zones, faut que tu pètes des bonhommes, là. Michael, s'il est là, il va savoir exactement de quoi je parle, là. C'est un jeu quand, en tout cas, avec la roulette, tu tournes, puis faut que t'élimines des ennemis, là. OK. C'est un autre jeu, je pense, c'est Dig Dig Dino. Non, pas Tempest, là. C'est vraiment, tu prenais une base, c'est dans le centre de la base, puis ça tourne. C'est un jeu d'arcade qui n'était pas sorti, mais que moi, j'ai sur ma centipède chez nous, là. OK. Puis on fait un jeu sur PS5. Ah, c'est... Je vais aller chercher, là. Ah non, Michael, ça, il dit rien. Fait que tu restes dans le creux de ça. Attends, on va aller chercher. C'est quoi, déjà? Ça va pas là. Puis pour ceux qui voudraient entendre parler beaucoup de la Playdate, ça a été grandement couvert à Rétro Nouveau. Michael joue à Doom en même temps. AKR. Ça. Ben oui. AKK, espace ARRH. Qui est un jeu d'Atari, Michael. Je pensais que tu l'aurais su. Ben ici, parce qu'il y a eu un remake, là, genre récemment, exact. Ensemble. Là. Exact. Atari, on remake puis relaunch ça. Là. C'est ça, ben c'est ça. Fucking red, là. Il y a un des premiers jeux de la Playdate que c'est ça. C'est un genre de remake de ça. OK. T'en as un, ça s'appelle Dig Dig Dino. Là. C'est comme faut que tu creuses et tu trouves des os de dinosaures dans un truc. Là. J'ai pas le temps de l'explorer encore. Puis t'en as un, l'affaire bonus qu'ils ont donné, c'est comme un guide de télévision. Puis quand tu vas dans les postes, c'est des vidéos, mais faites en picot, pas en picot, en Playdate. Là. Ouais. Fait que t'es en petit pixel. Là. Ouais. C'est très weird et creepy. Puis je suis sûr qu'il y a comme de quoi derrière ça, mais j'ai pas le temps encore d'explorer. Fait qu'en tout cas, la saison 2 est commencée. Je vais vous en parler à chaque semaine. OK. Quand je vais être là, je vais juste présenter les jeux qui ont été donnés. Puis je fais pas vraiment une critique plus une présentation de ces jeux-là. Ben ouais. Question de couvrir la Playdate, là. C'est très bien, là. Comme ça, Dig Dig Dino, c'est en fait partie du lead design de Flynn tout. Ah ouais, OK. Ah ouais, Dom 2D, OK. C'est fait en partie par lui, hein. Tout est dans tout, man. C'est un peu débile, ouais. C'est donc bien hot. Fait que oui, là, il est sorti la semaine passée. Demain, il sort le prochain. J'attends mon gars pour l'ouvrir parce que mon gars ouvre les cadeaux. Après ça, il joue au jeu de surf, là. Puis. Mais oui, je vous parlerai de Playdate dans les prochaines semaines. Excellent, excellent. Voilà, je vais annoncer que c'était sorti pour ceux qui auraient la Playdate et qui n'auraient pas vu ça passer. Là. Et puis, ah non, on n'a pas en vente présentement ici. Hein. On avait une dans le use. Mais il y en a, tu peux en acheter. Là. C'est pas comme Backorder. Ouais, ou non, non, c'est ça. Facilement en avoir une. 1-0, les Oilers, let's go. Papa de ce ziop. De poise. J'essaie de mettre à l'envers. OK. Ben, genre, on se connaît pas. Je connais pas papa de Non, de mais ce n'est pas First Time Chat, pourtant. Ah, pourtant. Ah, ouais. OK. Alors, dernière nouvelle, Soziop. Soziop. Papa de Soziop. OK. Bon, ben, coudonc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attends, il a inversé les lettres, là. Ça veut dire... Quoi, ça veut... C'est ça. Pézis. Boise. C'est bon. Boisec. Bon, allez, dernière nouvelle. Les grosses nouvelles, ouais. Pour dans l'intro, demain, bon, là, si vous nous écoutez en différé, c'est déjà passé, mais aujourd'hui, on est mercredi, et le 4 et demain, le 5, c'est le lancement de la Switch 2. Oui. Partout, dans le monde. Ben, dans le monde. World premiere. Oui. C'est le nom de son gars sur Twitch. Ah, c'est cute. Et puis, donc, c'est le papa de son nom. Allez suivre Seziop sur Twitch. Oui, il doit être bon. Après notre show. Exact. Fait qu'on a des machines, GF. On ouais. en a 10 bundles de... Excusez, de Mario Kart pour 700 tomates plus taxes, 600 tomates plus taxes. Et on a aussi la normale à 630 tomates plus taxes. On a des Mario, des jeux de Mario. Le bundle est moins cher que le 100, le... Le bundle est plus cher. T'as dit 600? Le bundle. 699,99. Il manquait le... Oui, oui, il manquait ça. C'est 700 le bundle en descendant. 700 piastres le bundle, 630 okay, la machine. Okay, okay. Fait qu'on en a 10 bundles, 6, me semble, de l'autre. Et puis, on en avait un petit peu plus. On s'en garde. Et puis, on est supposé même en recevoir probablement en fin de journée demain d'autres. Fait qu'au final, une bonne trentaine de consoles qu'on a réussi à avoir. Je suis bien fier de ça. Et puis, on va avoir tout le reste, là, des manettes, des caméras, des jeux, tout, des amiibos, tous les accessoires, là, tout ce qui est disponible, on en a, ben, pas 50 de chaque, là, mais des petites quantités de chaque. Fait que premier arrivé, premier servi, il y a déjà du monde dehors. C'est dehors. Il est 8h30 du soir et on ouvre demain matin à 10h et puis il y a déjà deux personnes. Camper avec, devant avec la porte. Avec des Gatorade au moins, il fait chaud. Exact, exact. Fait que ça, c'est incroyable. Fait que, côté stats, ça c'est intéressant. Ouais. Toutes ces choses-là vont nous coûter environ 22 000 $. Et puis, on va faire avec vous ça. Vous allez faire 23 000 $. Oui, avec ça, on va générer à peu près 1 500 $. C'est pas rentable pour eux. De profit. C'est rentable, sa publicité, puis genre le monde qui rentre dans le magasin un peu, j'imagine. Là, mais... Ben ouais, mais tu sais, c'est 1 500 $-là, tu sais, on a deux employés, mettons, qui ont créé toutes les fiches des produits, tout pour les mettre prêtes à la vente. Fait que ça prend du temps. Nous autres, les propriétaires, on fait du back and forth avec Puro, avec les fournisseurs. Combien de quantité? On se questionne. Qu'est-ce que ça. Puis là, aujourd'hui, il y a un fuck, puis à cause de la fucking Post-Canada, là, ben, tout tombe dans le cours de Puro, puis là, ils sont débordés, puis là, ils s'en calissent. Ça fait que là, nous autres, à 3h, on n'avait pas le stock encore. Fait que là, Martine et Joe, ils ont fait du press au téléphone, ils sont embarqués dans le char, sont montés là-bas, ils ont fouillé. Ils ont réussi à trouver tout le stock puis à le ramener ici. Wow. C'est pour ça que j'ai fait la publication à 6h, parce que j'avais deux publications de prête. Une, genre, il y a du retard, désolé, on peut rien faire, on va avoir le stock demain, on sait pas quand. Et une autre, genre, hey, le lancement est demain, voici comment ça va se passer. J'avais les deux de prête au bout du doigt. J'attendais que mes comparses me disent lequel faire. Puis finalement, man, ils ont fait des pieds, des mains, puis ils sont allés à Anjou chercher le stock. Sinon, on l'aurait pas. Fait que là, on l'a, là. Il est ici de quelque part, dans Baptiste. On aurait dû le mettre ça à la table. Pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Ouais, ça n'a pas le droit du tout. Fait que, man, ça a été... Ça aurait été malade, genre des piles. De... des piles de Switch 2. Fait que le peu de profit qu'il aurait pu avoir encore est passé. Tu comptes les heures, est-ce qu'on met là-dedans? Il n'y a plus aucun, on perd de l'argent. Il n'y a plus aucun profit. Le gaz, en effet. Mais, tu sais, c'est le fun. Le monde sont excités, tout ça. C'est purement pour faire de la publicité. Ouais, c'est événementiel. Exact. Mais Chris, que ça vaut rien. Les jeux, il n'y a aucune... Il n'y a pas d'argent à faire avec les jeux neufs. Ouais, non. Puis les jeux sont tellement rendus chers à cette heure. T'sais, les jeux Switch 9. C'est 100 piastres. C'est au-dessus de 100 piastres chaque. Ouais. Fait que nous autres, c'est shipping gratuit à partir de 100 piastres. Fait que là, on va perdre là encore si on en vend. Ouais. Fait qu'on va-tu augmenter notre shipping à 120? T'sais, notre shipping gratuit, je sais pas. On va se questionner plus tard. Mais c'est calissement de la merde. Fait que... C'est un Retro Gamers fan qui dit « Wow, sérieusement, gentil de votre part, on voit vraiment les passionnés en vous et la volonté de faire plaisir à votre clientèle. Merci sincèrement. » C'est bien gentil. Mais tu sais, il y a quand même... Tu sais, faut qu'on soit profitable. Ben oui, ben. On veut faire de l'argent. Mais on le fait parce que... Mais c'est un événement C'est un événement, puis on est excités, les employés sont excités, les clients sont excités. Vous allez faire des beaux vidéos de TikTok avec tout ça. Exactement, là, exactement. S'il y a une ligne dehors demain, c'est le fun. Au dernier Tears of the Kingdom, il y avait une file dehors, j'ai pris des photos. Ben Chris, j'ai passé à la radio 3 fois. T'sais, ils m'ont invité pour en parler. Là, ils ont bien aimé ça. Fait qu'ils m'ont réinvité 2 autres fois à venir parler de jeux vidéo. Fait que tu sais, la paye est là. C'est tout ça là, qui paye. Là, fait que ça vaut la peine. Puis oui, il y a des messages, il va y avoir des messages. Hey, n'avez-vous, pendant 2-3 jours, combien ça coûte? On va tout faire ça, puis ça va s'atteindre, puis ça va être réglé, puis on va avoir passé ça, puis ça va être des beaux souvenirs. C'est des souvenirs pour la vie. Tout à fait. Ouais. Fait que voilà. Donc, présentez-vous demain, tôt. Ben, il y a déjà du monde dehors. Présentez-vous pas, il y a peut-être déjà du monde. On ouvre à 10, t'arrives à 11, d'après moi, il reste plus grand-chose à côté console. Mais c'est ça, comme je disais, c'est 22 000$ et puis ça va être remboursé en une journée. Fait que c'est pas une perte, c'est pas un investissement ou quelque chose qui vous génère des revenus. Mais absolument pas. Absolument ça génère d'autres choses, du spectacle. Fait que tu sais, ça démontre aussi à quel point il n'y a pas d'avenir dans les jeux vidéo physiques. Là. Neuf, là. Tu sais, je vois pas. C'est, of course, games, EB Games. Mais pas l'année utilisée pour faire une boutique de vente. Ouais, c'est... On fait un plus d'argent que nous autres, peut-être là-dessus. On a peut-être des meilleures marges, mais ils trippent pas leur marge. J'en suis persuadé, là, peu importe le volume. Là, fait que Walmart, Best Buy, tout ça, ils en tiennent, mais c'est encore lisse, eux autres. Là, ils vendent d'autres affaires. Là, c'est pas Walmart, avec ça. Exactement. C'est rien que pour driver du monde dans les places. Fait qu'au final, nous autres, avec, là, c'est pour driver du monde ici. Fait que c'est rien qu'à ça que ça sert. Mais quand c'est ça que tu vends seulement, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Là. Ouais, ouais. Fait que ça va se terminer, ça, un jour, les amis. Ouais. Hein? Ça passera à d'autres choses. Le grand reset. Ça revient. Ça s'en vient. Bon, ben, c'est tout pour l'introduction. Fait qu'on s'en va dans la collection. Collection? Déjà? Oui. Déjà. Où est-ce qu'il y a le panneau? C'est le fun, la petite musique plus forte. J'ai remis ton ancien soundtrack. Oui, en plus, c'est Make Kids direct dans la collection. Plus bon, on dirait. Ah, ça se peut, hein? Gawette qui dit que je suis propre. Oui, j'ai mis une petite chemise aujourd'hui parce que j'ai joint, puis j'en parlerai peut-être un jour, un cercle d'entrepreneurs. Donc, est-ce qu'il faut que tu sois propre en chemise pour aller faire des rencontres? J'arrive pas, je me mets une petite chemise. En tank top sale avec des traits de lactose. Et puis, c'est Entrechef, en fait. C'est une grande organisation avec plein d'entrepreneurs. Et puis, il y a des cercles là-dedans de 10 entrepreneurs. Et puis, on se réunit à tous les mois et demi environ. Et puis, on parle de nos business, de nos enjeux et tout ça. Alors, c'est très agréable. Fait que j'avais ça aujourd'hui, là, cet après-midi. Fait que c'est pour ça que je suis comme ça. Et quand je suis sorti, c'est drôle. Je sors avec deux autres entrepreneurs en arrière de moi, là, dans mon club. Et puis là, je dis « Hey, les gars, je m'en vais par là, tu sais. » Puis là, je pointe deux chars. Donc, mon char, une Honda Civic 2018 bossée. C'est pas de ma faute si elle est bossée. Puis une Corvette de l'année. Je dis, fait que devinez, c'est quel mon char? Il dit, ben là, c'est sûrement pas la Corvette, parce que c'est la mienne. Ah, dis, ah, OK, OK. Fait que lui, il y a une Corvette. L'autre, il y avait une petite grosse Beamer, là, BMW, là, de feu, là, de cette année. Toi, t'as Honda bossé. Puis la personne chez qui on était, la fille, elle avait un truck Lamborghini. Sacrément. Là, je me dis, sacrément, le monde, il roule en hostie, là. Moi, avec ma Civic, c'est à vendre des cassettes. Mais pas dire, c'est-tu que je suis greedy. C'est pas là-dedans que je mets mon argent non plus. C'est pas là-dedans qu'on se met millionnaire. C'est pas dans les chars que je mets mon argent non plus. Là. Non, c'est pas... Avec ma Corolla Cross, c'est ma... Non, c'est pas vrai. Je m'en dis ma meilleure voiture, c'est pas vrai. Là. C'est la Sion TC qui était la meilleure voiture que j'ai eue, mais ça, c'était un trip. Là. Mais tu sais, moi, là, pour me permettre un char, là, mettons une Corvette, ça vaut combien ça? 100 000, probablement. Tu sais, pour me permettre un char de ce prix-là, man... Faudrait que je gagne beaucoup d'argent par année. Là. Moi, je trouve que c'est des bebelles. Ouais, ça. Mais c'est. Puis là, vous dites ça, j'achète des cassettes. Mais tu peux leur revendre, tu sais, genre ton. Ben, tu peux revendre ta Corvette aussi. Là. Tu l'achètes, mais genre, tu la sors du concessionnaire et elle perd la moitié de sa valeur directe. Ouais. C'est tout ça, là. Mais c'est jeux à 500$. Par rapport à mon budget, ça va, mais peut-être qu'eux autres, c'est des piques à. Un paiement de Corvette par mois, c'est combien? Ouais, 1 000$. 1 000, 1 300$, tu sais. Un paiement d'hypothèque, quasiment. C'est ça, tu sais. Moi, je. Non, là. Tout ça, moi non plus. Faudrait que je gagne énormément pour ça. Bon, hey, parlant de choses très chères. Oui. Allons en avec collection. Avec des prix. Ouais. Avec des prix. On commence avec un jeu que je vais critiquer tout à l'heure. Il s'agit de Bad Boy sur Nintendo Switch. C'est un jeu à 60$. Il en reste chez Retro MTL. C'est un jeu que Bruno avait critiqué à Retro Nouveau. Et puis, ça fait un bout, là. Et puis, moi, j'attendais la copie physique et c'est finalement arrivé. Ouais. Alors, voilà, c'est un genre de jeu à la Shovel Knight. C'est très agréable. Ça semble être très japonais dans le style de baseball, là. Exactement. Ils aiment ça, le baseball, eux autres. Ouais, mais ils ont genre des sauts de baseball japonais. Tu sais, c'est très... ça ressemble beaucoup à ça. Exact. Fait que j'en dis pas plus... parce que je vais le critiquer de long en large tantôt. 60 tomates pour ça. C'est moins cher qu'une Switch 2. Et qu'une Ferrari. Ou puis, et qu'un truck Lamborghini. Voilà. Prochain beau bébé, il s'agit de... Ah, c'est beau ça. Atari Recharge Collection 3 et 4. Donc, c'est une compilation des jeux Recharge de Atari. Les jeux Recharge sont les jeux classiques de Atari. Yars Revenge, Missile Command, Astéroïde et là. Et puis, c'est des versions repensées et très agréables. Moi, Black Widow demeure un gros must pour moi. Et puis, ça, c'est le petit bundle à deux jeux. Donc, il y a deux jeux Switch là-dedans. Et puis, celui-là, il contient Caverns of Mars, Recharge. Ça, tu vois, il invente des affaires aussi. Puis, Yars Revenge, Recharge, Gravitar, Recharge et Missile Command. Gravitar. Recharge. Alors, voilà, des beaux classiques. Et puis là, ce qu'il y a d'un peu con là-dedans, c'est que l'autre bundle 1-2, il est comme ça. Là. Ça contient deux jeux aussi. Et puis, ça... Ces quatre jeux-là auraient très bien fité sur une seule petite liste. Parce que ça, mesdames et messieurs, j'ai pas dit le prix encore, c'est 110$. Là. 110$. Ils donnent pas là, leur petit jeu de rien, là, les jeux. Mais oui, c'est clair, ça fitrait sur une cartouche. Ben oui, man. Fait que là, ils milk vraiment fort avec ça. Là. Mais moi, man, qu'est-ce que tu veux? Là. J'aime ça, ces affaires-là. Fait que je l'ai acheté. C'est beau, ces tablettes. C'est très beau, ces tablettes. Ça, donc, c'est la version bundle. Il en reste chez RetroMTL. Il reste le bundle 1 chez RetroMTL. Et puis, il reste peut-être une copie là, de ça aussi, mais pas bundle. Donc, les deux séparés. Je ne me rappelle plus. Tapez Atari Recharge sur notre site web et puis vous allez voir. Donc, c'est très beau. Je ne déballerai jamais ça en passant parce que je vais racheter les versions digitales qui sont vraiment pas chères. Fait que je suis vraiment en train de vous dire de crisser votre argent là-dedans. Ben oui. Que ça ne vaut pas la peine, mais... Pour moi, ça vaut la peine. Fait que voilà, très beau. Et puis, on reste dans l'Atari pour la dernière chose. Ouais. Et là, ce n'est pas un jeu. Il s'agit d'une patch Atari comme ça. Regarde ça comme c'est joli. C'est magnifique, ça. Et puis, on a ça chez RetroMTL. Vous voyez, c'est mince. Là, c'est une vraie patch pour mettre sur ton jacket. Et puis, c'est quelqu'un, ça, qui a communiqué avec nous. Et puis, qui avait une Atari... un ordinateur Atari, là, tu sais, le vieux, j'ai oublié le chiffre, à 400. Pas un Atari 800, un Atari... Ouais, un Atari 800, je pense, avec un écran. Puis, on pouvait pas vraiment tester ça, tu sais. Puis, elle avait un sac plein de ces affaires-là. Wow. Fait que c'est legit vieux, là, de l'époque, là, ça-là. Là, c'est des vrais... J'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle a pris ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans une famille autour d'elle, quelque part, déjà travaillé chez Atari ou a eu des plugs. Mais c'est des legit vrais patchs d'Atari, ça. On a la console aussi. Je vais faire un TikTok. Des fois, tu sais, il peut y avoir un petit défect dessus, puis c'est pour ça qu'il y a des cantines même, là. Ouais, il peut-être. Un petit peu décentré. Fait que t'as raison. 1 mm, ils sont pas bons. J'en mets ça dans un container, quelqu'un ramasse ça, puis c'est ça. Là. Ça peut être très bien, ça. Ça se peut très bien, en effet. Mais c'est beau. Ouais. C'est très beau, et puis on va les mettre en vente bientôt, là, au coût de 10$ chacune. Un beau jacket. Oui, on en a. En fait, on en a au-dessus d'une quarantaine. Fait que c'est vraiment très beau. Tu peux mettre ça sur le linge de tes enfants aussi. Oui. Ça inspire le respect. Fait que c'est très cool. J'adore quand on tombe ici sur ce genre d'affaires-là. Là. Ah, c'est très hot. Fait que c'est déjà tout. Pour et la voilà. Collection. On bat ça. Ah. Avec la toune de Mighty No. 9. Oups, j'ai pas enlevé le prix. On va voir ici. Quand j'ai entendu cette toune-là pour la première fois, là, Chris, le poil me levait, là, tu sais, puis il y avait un petit démo, là, tu sais, puis Mighty No. 9, disait, je sais pas si je vais être capable de faire le Megaman qui tape sur l'épaule et dit, hey, c'est toi le futur, man. Finalement, c'était pas lui le futur. Finalement, c'est de la dompe. Je me rappelle très bien de ta critique à l'arcade de ça. Ah oui, c'était à l'arcade. T'étais tellement en Chris tout le long de la critique, là. Ah, man, j'étais déçu, là. J'étais allé acheter ça sur Wii U Day One, là, au game, oui, Big Games, des ailes de la mode, justement. Fait que... Des choses qui arrivent. Exact. Fait que là, on est rendu au... Au WEG. On voulait revenir sur nos jeux du WEG. Oui, absolument. Là, WEG mention... OK, tu l'as rajouté ici. On va commencer par celle-là, alors. OK, ben vas-y. Toi, tu commences et puis on va y aller en alternance, un après l'autre. Fait que tantôt, j'ai dit que tu sais, il y avait le chalet de Gin Tonic qui s'est transformé en chalet de l'obsession. Ben, Sensato puis PA Étienne aussi, Brisard, ont été pris sur Jump King, en fait, qui est un jeu à deux boutons seulement. Le D-pad et un bouton pour sauter. Donc, le concept de jeu-là, c'est qu'il faut que tu montes en sautant jusqu'en haut, parce qu'il y a une fille tout nue. Ça a l'air en haut, une belle fille. Ouais, ils disent qu'il y a une babe en haut. Puis là, les gars, ils ont capoté, man. On part pas d'ici tant qu'on n'a pas vu la babe. Mais c'est fucking dur. C'est fucking dur parce que si tu manques ton coup, tu peux tomber très longtemps. Tu peux tomber. Tu redescends très c'est bas. C'est screen par screen. Puis si tu drops, tu peux tomber genre 10 screens là, si t'es mal aligné. C'est là, ça, là. Les gars ont joué très, très, très longtemps. Genre, PA n'est même pas allé manger, mané, parce qu'il jouait. Puis. C'est là le moment que je t'ai dit que t'étais pas là, mais Sensato, il a dit là, tu vas aller manger, sinon je le ferme. Là, là il jouait, il s'est levé, clac, il l'a fermé. Va manger. Pour vrai, ouais, je vais waouh, dans la PS, comme bienvenue au WEG. Va manger, tu joueras après. Là. Mais si vous regardez le gameplay, là, rien que pour expliquer vite fait, quand tu payes sur le bouton A, le bouton pour sauter, plus longtemps que tu gardes ton bouton enfoncé, plus haut il va sauter. Puis avant de lâcher le bouton, tu peux peser sur une direction. Puis plus longtemps tu pèses dans la direction gauche ou droite, plus que ton saut va aller vers la gauche ou la droite. Fait que c'est tout... sinon il va haut ou il va aller plus bas, mais plus loin. Genre. Oui, c'est ça. Fait que c'est toute une notion de... C'est juste jouer avec la physique, les contrôles. Là, c'est... Invisiblement, faut que tu te souviennes d'un temps de pesage de bouton, ça te fait sauter quelle hauteur. Et un temps de pesage ou la gauche ou la droite. Avant de release ton bouton, ça te fait aller, ça te tilte combien vers la gauche, combien vers la droite. Puis that's it. Un coup que t'es dans les airs, c'est terminé. Tu peux pas ajuster ta trajectoire. T'es parti. Là, exactement. Puis on les a vus regarder leur bonhomme tomber jusqu'au début du jeu. Ah, man, là. La dépression, là. C'est ça, très souvent, là. Ah ouais, mais c'est brillant, man. C'est une astuce de bonne c'est idée. C'est vraiment un bon c'est concept. C'est simple, mais t'sais. Quelle belle idée, là. Ah, moi, j'étais épaté de ça, là. La dépression pendant qu'il y avait Ellie qui bûchait sur une machine en arrière, là, coup de poing, là. On y reviendra à ça, là. Absolument. Fait que ça, c'était insane. Hey, moi, mon premier jeu, par contre... Ouais, on peut alterner. J'ai mis 5 jeux, moi aussi, fait que... Fait ça, on va alterner, mais mon premier jeu, ça serait Ninja Five-O. Mais c'est un peu triché, mon affaire, parce que j'y ai pas joué au WEG. C'est correct, moi aussi, les affaires, j'ai pas joué. OK. Mais je l'ai fini juste avant d'aller au WEG, tu sais, okay. Par contre. Fait que ça aurait été ma critique. Fait que Ninja Five-O, que j'ai montré ici dans la collection, est un Holy Grail de Game Boy Advance, un des jeux les plus chers de la console. Et puis, c'est un jeu c'est un policier ninja, et puis c'est un jeu d'action 2D de hack and slash, mais avec un grappin, comme on voit à l'écran présentement. Ouais. Beaucoup de grappinage. C'est grappinage. Ouais, ils t'en font faire beaucoup, là. Mais c'est pas un Ninja Gaiden, là. Il y a pas, j'oserais dire, du stealth, où est-ce que tu passes en arrière des ennemis, t'es coincé un peu, et puis faut que tu délivres des otages et tout ça. T'as des projectiles de base et puis t'as un coup d'épée et puis c'est that's it, là, t'sais. J'avais déjà essayé ce jeu-là à l'époque sur une vraie cassette parce que je l'avais entre les mains parce qu'on la vendait. Puis je suis comme, je vais essayer ça, là, t'sais, ça tombait de l'air malade. Puis j'avais pas aimé ça, mais là sur Switch, j'ai pris le temps puis je me suis habitué. Puis même le grappin, j'ai fini le jeu puis j'étais pas encore un master du grappin. Là. Il est spécial, mais j'y ai pris goût, puis je suis allé all-in, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais, ouais. Fait que ça vaut amplement... ça vaut pas les 1000$ complets en boîte ou les 500$ pour la cassette. C'est bien, si tu collectionnes le GBA, oui, moi, c'est un jeu que je voudrais totalement dans ma collection. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais pour le plaisir de jouer, je vous recommande fortement la version Switch, qui est encore disponible chez Retro MTL, d'ailleurs, il me semble. Fait que puis il y a plusieurs modes là, de screen là, tu sais, le jeu un pour un là, sinon jouer sur la pocket aussi en effet donc très cool jeu, nice. Ouais. Après une gorgée au mauvais moment, je vais y aller direct dans l'obsession, l'autre obsession en fait. Je reviens sur ce que j'ai parlé avec Ellie quand on est allé à San Francisco, donc Marble Madness. Oui. On a viré fou, mon Ellie, sur la folle DB, parce que Ellie, quand on va au WEG, il amène tout le temps trop d'affaires. T'sais. Ah oui. Là, il avait mais j'aime amené... ça qu'il amène des affaires aussi, qu'on n'utilise jamais. Ben, ça fait beau dans le paysage, beau, c'est réconfortant. Mais je pense que tout a été utilisé. Il avait amené deux arcades one-up, donc il y avait une arcade de. C'est Outrun, le jeu de... Ben, c'était un arcade de jeu de char. Jeu de char, mais il y avait modé des guns sur les côtés pour faire aussi jouer à des guns. House of the Dead et tous les jeux de char. Exact. Existants. Et il avait aussi amené son One-Up des Simpsons, dans lequel il y a une trackball dans le milieu. Donc, parce qu'il m'a dit, on va faire Marble Madness pour finir notre folie de Gin Tonic de San Francisco et de Marble Madness. Fait qu'on a passé beaucoup de temps sur Marble Madness. C'est un jeu qui prend 4 minutes et demie à finir. OK. Normalement, il y a genre 4-5 niveaux, là. Mais on a joué, là, 3 jours complets là-dessus, je pense. Ça a pris beaucoup de mon temps de WEG, puis on a eu beaucoup de plaisir et beaucoup de frustration aussi. Il donnait des coups de poing sur la machine. Genre, il tombait à terre, à un moment donné, là, il était mal qu'il était chaud. C'était fou, là. Puis, tu sais, on jouait. Puis là, à un moment donné, on est comme, on s'en vient, bon, on a des bons skills. On se rendait, mais on n'avait jamais assez de temps pour se rendre jusqu'à parce que c'est un labyrinthe avec du temps, là. Ouais, ouais. Puis, à chaque fois, quand tu finis ton tableau, il te donne le temps qui te reste pour aller à l'autre. Puis, on l'avait, mais on s'en rendait pas. À un moment donné, je suis comme, yes, on se rend au dernier niveau. Le dernier niveau, t'as comme une petite pente au début qui monte, faut que t'ailles dessus. J'étais jamais capable de monter à la boule, je suis comme, Ellie. On jouait avec des contrôles qui sont pas bons depuis le début, là. Puis là, il y a la sensibilité, puis là, c'est comme, ah, tiens, c'est un petit peu plus facile, on a plus de contrôle, on se rendait encore à la fin. Et là, ben, tout commençait à nous lâcher, notre corps, la machine. plusieurs fois, la boule a fucké. Genre, Ellie enlevait la boule, il dit, il y avait genre des morceaux de peau dans la boule, un peu de poignée, dans la boule en dessous. Yes. On a cassé le mécanisme dans la machine aussi à force de jouer, là, genre qui est. De farger. Mais je sais pas comment ça marche, genre, une trackball, mettons, ou ouais. Une souris, c'est que t'as deux vis, une vis X et une vis Y, puis ils tournent, genre, dépendamment de quand tu fais, fait que c'est sur deux axes. Puis il y a un morceau de plastique qui a pété, parce que cette machine-là, c'est pour jouer à Simpson Bowling. Oh! C'est pas fait pour varger dedans comme Ellie faisait ou comme genre de vraiment spinner en fou comme on a fait. Oh, on spinait tout le monde. On a spiné en fou. On l'a réparé, à l'heure brisée. À un moment donné, Ellie a mis des bûches de foyer dans son plastique pour l'accoter, pour que genre pour pas qu'il y ait de gars, pour qu'on finisse. Puis là, il est comme, là, on va se rendre à la fin, mais il faut qu'on finisse avant que la machine lâche, tu sais. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on. Ellie était sur. En fait, c'est un émulateur, là, fait qu'on a mis des save states. Mais là, on s'est dit, OK, on va jouer. Mais chaque fois qu'on fait une section, qu'on l'a parfait, on save state tout de suite. Ouais. Puis c'est le même qu'on l'a passé. On a fini par faire save state. Puis on s'est rendu jusqu'à la fin. Finalement, c'est moi qui l'a passé en premier. Il l'a passé tout de suite après ça aussi. Là, mais genre, j'ai garoché une chaise à terre là, quand je l'ai passé. Là, j'ai dit, yeah! Genre, après trois jours complets. Là. Ah ouais. Puis genre, à la fin, là, on jouait là, de même. Puis genre, il y avait des vis qui tombaient dans le dessus de la machine. Genre, c'était quand même fou. Là. Ah, c'est cheap quand même, ces machines-là. C'est des one-up. Là. Exact, exact. Mais bon, sur le side, en revenant chez nous. J'ai commencé à hacker ma Golden Tee, là. Fait que là, j'ai les pièces, là. Il me manque une affaire qui marche pas, là. C'est la trackball que j'ai envie de checker, là. Mais pour jouer à Marble Madness une minute, puis plus jamais de tracer de ma vie, là. Ah, ben, ah, mais, non, les Golden Tee, puis. Non, mais c'était bien, là. Là, t'as mis la version NES à l'écran, là. L'arcade, c'est quand même ça différent. Ça va pas vite là. De. Ben, ça te dit que c'était arcade, mais ça va pas vite de même, là. Ça va vite de non, même. Non, c'est ça. Puis le temps, il roule pas non plus. Ah, t'as raison. Ça n'a pas de l'air de ça, la version arcade. Ça, c'est genre l'avant-dernier niveau. Ça commence à être très tough rendu là. Exact. C'est... Mais on a fini par le passer à force de bûcher dessus, là, genre, littéralement bûcher sur la machine, là. Ouais. Mais Ellie, genre, j'étais comme, moi, des fois, j'étais comme, des coups de main, j'étais comme, fuck, genre, mais Ellie, il était à coups de poing dessus, là, c'était débile. Puis on n'arrêtait plus de boire des gin tonic non-stop, là, genre, fait qu'on se mettait chaud, on n'arrêtait plus, genre. C'est la violence, être chaud, la violence. Et c'est chaud, là. Fred il revenait faire les gin tonic, la violence encore, Mais oui, fait qu'en tout cas, je pourrais dire que j'ai passé Marble Madness. Même si avec des save states, là, c'est comme tricher. Mais là, je voudrais revenir à San Francisco sur la vraie machine avec des bons settings et voir si je le fais. On va en acheter une, là. Si j'aimerais ça. Ça doit être trouvable. Là. Probablement, mais j'aimerais vraiment ça d'avoir une. Genre, parce que là, je sais comme par où passer pour faire comme comment il marche, le jeu. Là. Ouais. Je pourrais le faire, là, mais oui. Hey, là, je regarde le dernier niveau, il y a du stock. C'est même pas le dernier niveau, c'est l'avant-dernier niveau. Ah ouais. Le dernier niveau, t'es comme dans l'espace, puis il y a genre des trous, puis ça. Oh my God. À la fin, c'est, t'es genre. C'est des plateformes qui disparaissent, qui réapparaissent. Puis là, après ça, il y a une affaire qui va très vite, de la glace, une affaire qui stoppe très vite. Il faut comme. T'es tout le temps en train de gosser avec ta boule, là. Mais ouais, c'est-tu qui a fait ça, ce jeu-là? Ouais, tu me l'as dit, mais. Mark Cerny, l'architecte de la PlayStation. Ah ouais. Monsieur Knack, là, puis tous ces jeux-là, c'est je pense que c'est son premier jeu. Calvaire. Pointer de pique qui a travaillé là-dessus. T'es un vrai génie. C'est ça ici que je suis prêt à monter au début. C'est comme Ellie, là, faut qu'on arrange la trackball parce que. Ah ouais, je le vois. Mais on a réussi à passer tout ça, là. Il y a des affaires comme, qui sont complètement random, on trouvait pas les patterns, mais on a eu bien de la violence et bien du plaisir. On a ri beaucoup, là. Ah, c'est là. Clair. Très hot. C'était ça. Mon prochain jeu est Pizza Pop, qui est un jeu de Famicom et puis. Dalico. Et puis là, ce que t'as mis ici, c'est. C'est le remake ou quelque chose de genre. Il y a un remake qui est en train de se faire. Ah. Qui aura une version physique et puis qui corrige certaines choses. Donc, c'est Michael qui a fait. Michael, lui, c'est un petit génie. Ouais. Fait qu'il prend des jeux qui n'ont pas toujours des continues et il les hack pour leur mettre toujours des continues. C'est malade, ça. C'est malade. Fait que là, il a hacké live devant nous autres. Genre, j'ai manqué ça. Pizza Pop. J'étais pas là. Ouais, c'est ça. Il m'a expliqué par après comment il a fait, puis j'étais comme, wow, OK. Mais moi, je voulais l'écouter au complet. Puis là, quand il allait commencer ça, moi, j'étais allé faire autre chose, mais j'avais pas catché que c'est ça qui s'enlignait faire. Okay. J'étais allé dans la douche, genre, je sais pas quoi. Fait que là, je suis revenu, puis j'en ai vu un bout, et puis c'était absolument magnifique. Et puis, il a hacké ça, hein. Il pourra nous le dire, Mike, ben, genre 10 minutes, genre, ouais, de même. Fait que là, on avait toujours des continus, fait qu'on a pu aller jouer. Ah, il m'a dit comment il a fait, genre, il check le code, puis genre, il y avait une valeur qui changeait à chaque fois qu'il perdait une vie, il dit, ben, c'est là qu'il faut que je le change. Hein, exact, exact. Sac, hein, OK. Exact. Fait que c'est très hot. Donc, c'est un petit platformer de Jaleco, donc paru seulement au Japon sur Famicom. Ça a l'air cool, oui. C'est très sympathique. Donc, t'es un petit livreur de pizza, puis tu donnes des coups de boîte de pizza aux affaires qui te foncent dessus. Tu marches dans la ville, les chantiers, là. Très, très léger, très... ça me fait penser à Hammering Harry aussi, ou Panic Restaurant un peu dans le look des gros sprites, des lieux un peu cartoony, là, des gros monstres, très, très beau, des gros boss un peu niaiseux. Ah, 10 minutes avec 4 minutes de setup du projet. exact. Fait que, fait que c'est ça, et puis c'était très cool finalement. On était une gang dessus quand même, on était genre 5-6 là. Puis on se passait à manette à toutes les deux vies ou à chaque continu, quelque chose comme ça. Fait qu'on a batté ça rapide. C'était un petit, petit projet pour se reposer. Mais très cool, très sympathique. Je peux pas dire que je vais me lancer à acheter la version physique. Blastman dans le chat, qui m'avait mis d'ailleurs la puce à l'oreille en même temps sur Discord. En même temps que genre on s'en allait au WEC, je me dis « Hey, ouais. Blastman, il me parle de ça. » J'ai regardé ça. Puis là, Mike, il dit « On devrait jouer à ça. » Bon, tout était aligné pour que j'essaie ça. Il a reçu sa copie physique, Blastman. Puis, ah, il dit qu'il vient de sortir Fortified Zone 2 au Game Boy aussi. Ah, ben là, ça, c'est intéressant. Ça m'intéresserait plus. Je l'avais critiqué à Retro Nouveau, mais ça a un autre nom. Mais voilà. Donc, écoutez, il y a des sections aussi de style Turbo Tunnel de Battletoads. Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle. Donc, un petit peu de course de même. Petit cute platformer. Très, très, très simple. Fait que c'est intéressant. On a eu du fun. Ouais, nice. Ouais. Mais c'est bon, pendant que Michael est là, la prochaine fois que je vais parler, c'est quelque chose que j'ai pas joué, mais j'aurais assisté, parce que c'est ce que Michael avait mis quand il est arrivé, la collection, ben en fait, l'Amasoft de Jeff Minter Story, donc le genre de package qui rappelle toute l'histoire de Jeff Minter, qui est un producteur de jeux, concepteur de chez l'Amasoft, en fait, fondateur de l'Amasoft, des jeux là, comme Grid Runner, je pense, puis Tempest 2000, en fait. Oui. Fait que c'est très bien, là. C'est un genre de collection qui a une timeline, tu peux lire des trucs, t'as des vidéos de lui qui parle, de gens qui parlent d'industrie, puis tu peux rejouer à ces jeux qu'il a fait, qui ont été remasterisés en fait pour la PS5. Des astuces d'affaires fuckées là. Ouais, c'est tout est genre psychédélique un peu, tout te rappelle les vieux jeux d'arcade, mais les premiers jeux d'arcade là. T'sais, Grid Runner, une affaire qui a une grille là, qu'il faut que tu bombes du monde, des trucs comme ça là. Beaucoup de lama, beaucoup de trucs comme ça. C'était très intéressant à écouter là en fait là. Ça m'a fait découvrir son jeu Bomb City. Ouais. J'ai extrêmement encensé ici Arcade Paradise. Et puis, il y a un jeu là-dedans de petits vaisseaux là, qui droppent des bombes sur une ville. Là. Ouais. Je pensais que c'était une invention, ça, c'est de génie des gens d'Arcade Paradise. Mais non, c'est son jeu c'est à lui hommage, qui s'appelle Bomb City. C'était un hommage. Man, j'ai capoté quand j'ai vu ça. Tempest, c'est bon. Genre, Grid Runner, c'est ça qu'on voit. Là, ça, c'était hot aussi. Hein. Michael qui dit une légende du jeu indépendant au UK. Exact. Mais il y a des affaires fucking weird là aussi là-dedans. Là. Le gars, c'est un peu expérimental. Avec beaucoup de lama. T'sais. Ça s'appelle Lama Soft, là, d'ailleurs, c'est ça. Mais je connaissais pas ce dude. Et moi puis, non plus. Je me rends compte que je connaissais quand même certaines de ses affaires. Donc, c'est fucké, man. Mais c'est un génie. C'est un genre de génie, là. C'était un beau périple de... Il dit c'est whack en crisse, ces jeux que Michael dit. Ouais. Mais oui, c'était un beau périple de pendant que je me faisais des gin tonic, encore une fois, d'ailleurs. C'est sûr. Dans tous les chalets, il y avait genre du tonic et du gin. C'est pas de ma faute. Non, non, c'est ça. C'est... Les gens, vendredi, ils sont comme. Enfin, là, en ville, il n'y a plus de gin là, pour la fête à Fred. C'est l'opulence. L'opulence du gin. Jim dans le chat. Pas de gin, mais Jim dans le chat qui demande quelle bière je me suis ouvert. C'est une saison libre de Unibrew. Ça, c'est la bière de Megadeth qui ont renommé saison libre et qui font maintenant couramment. C'est une bonne petite saison, 4%. C'est comme une bière légère, là, que je dirais. Et puis, moi, j'adore les saisons. Et puis, celle-là est bien balancée aussi. C'est vraiment une bonne petite bière, ça. Encore qui dit Tempest 2000 sur Atari Jaguar. Ben oui, on le voit à l'écran, là, c'est ça qu'il a fait. Tempest qui est sur mon arcade de centipède, encore une fois, là, avec le spinner. Là. Exact. C'est le fun à jouer. C'est dur, mais c'est le fun à jouer. Là. C'est un beau concept. C'est une belle petite machine, celle-là, la centipède. Là. Fait qu'on reste dans les vieilles affaires pour mon prochain jeu. On va parler de Bentley Bears Crystal Castle. Ça, j'étais là. 7800. C'est là que j'étais là, mais j'ai pas osé toucher à votre manette parce que les boutons étaient trop espacés. Exact. Donc, toi, Jeff, on rappelle aux gens que tu n'as pas acheté la 7800+. J'ai toujours pas été assez chaud. Exact. Ça, ou pas gagné en tout casino, c'est ça. Faudrait qu'ils mettent du gin dans le REM. Faudrait que le REM arrête de se briser, que je puisse te prendre chaud là, aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ça s'en vient. Un jour, je le ferai pour le mini podcast. Fait que la 7800+, dans le fond, est la console de Atari qui ressemble à la 2600+. Et puis, la 7800+, elle est rétro-compatible. Donc, tu peux mettre des jeux 2600 dedans. Fait que là, au final... Puis la 2600+, elle jouait aussi les jeux de 7008. À l'origine, non, mais dans la nouvelle version, oui. Fait qu'au final, c'est les deux mêmes crises d'affaires, ces machines-là. Là. Ouais. Fait que c'est un petit peu niaiseux. Mais ça demeure quand même une excellente machine. Et puis, celle-ci, la 7008, elle vient avec le jeu Bentley Bears Crystal Castle. Donc, c'est un homebrew. Et puis, vu qu'Atari a acheté le forum Atari Age, et puis il y a plein de homebrewers là-dessus, Atari publish de temps en temps créés par des gens comme toi et puis moi qui font des jeux. Puis Atari publish ça, puis ils te font un vrai package avec une petite boîte, puis un livret, tout le kit, comme dans le temps, là, le même branding qu'à l'époque. Man, c'est tellement des beaux produits. Là. Moi, ils ont compris, eux autres. Là. Ah ouais, ils ont compris comment relancer tout ça. C'est très, très cool. Et puis, moi, je voulais vraiment l'essayer, ce jeu-là, parce que c'est un... Crystal Castle, c'est un jeu d'arcade qui joue avec une trackball et qui est... Toi, as-tu déjà joué à ça? Oui, mais j'ai joué avec ma souris. J'ai pas joué avec une vraie trackball. C'est là, pas pareil. Mais elle est dans ma même que je vais essayer de faire là, en ce moment. Là. Ah oui. Moi, j'ai joué à ça sur Atari, un petit sur émulateur, avec une manette. Il faut que tu ramasses des pins comme Pac-Man un peu. C'est un genre de Pac-Man 3D isométrique. Ouais, là. Ouais. Non, ça va bien, ouais. Avec la trackball, man, c'est un autre jeu. Là, c'est ça, je veux l'avoir. Complètement. Là, la vitesse que l'ours peut aller avec... moi, j'avais joué à ça à The Archives, le bar arcade de Burlington, quand on est allé à notre fin de semaine de dégustation aux bières. Puis, man, j'ai capoté. Puis, le cabinet est tellement beau. C'est pour ça que je hack ma one-up aussi de Golden Tee. Je suis comme, s'il y a une affaire à hacker, c'est ça. Là. Ah oui, ah les oui. Jeux de trackball, tu peux pas jouer à ça autrement que sur une trackball. Là, absolument, absolument. Fait que tu essaieras ça. Puis, sinon, donc la personne qui a créé ça, il a pris la mascotte de Crystal Castle, il a pris quelques ennemis, puis il a fait un 2D platformer qui est un, en fait, totalement Adventure Island. Donc, ta life, elle descend tout seul. Et puis, faut que tu te rendes à la fin du niveau avant qu'elle disparaisse complètement. Tu peux ramasser du miel pour en reprendre un peu. C'est pas une mécanique qui me plaît beaucoup, ça, genre la life qui descend tout seul. Mais c'est comme le jeu. Temps. C'est comme du temps, en effet. Mais, si c'est un hit, ton temps descend plus vite. Mais on en manquait pratiquement jamais, là, par contre. Là. Ben, il y a des hits, des one-hit kills par les ennemis, mais si tu t'enfarges, of course, dans une rush, ben là, tu perds un peu de temps. C'est vraiment comme Adventure Island. Et puis, tout comme Adventure Island, il faut que tu... Puis c'est là le problème. La console vient avec une manette Atari carrée de l'époque, une originale dans le design. Mais c'est pas pratique pour jouer à ça parce que, tout comme à Mario, faut que tu enfonces un bouton pour avoir un turbo d'enfoncer, le bouton B. Puis avec ton l'intérieur de ton pouce, tu pèses sur A pour sauter. Mais là, les boutons sont trop espacés. Fait que tu te rends pas. Fait que là, on utilisait des pads. Comme une griffe avec nos deux doigts. Comme ça, on pesait sur les boutons. Ça avait l'air tough. Là. C'était tough de jouer de cette façon-là. Avoir eu une façon de jouer avec une manette normale, des pads, des boutons. On a tout essayé pour trouver une manette. Oui, on a essayé de plugger manette Genesis, tout. Ça marchait pas, Steve. Fait qu'on n'a pas eu le choix. Ah, puis genre, continue d'imiter jusqu'à temps que Kevin arrive, je pense, puis qu'il fasse comme reset, là. il a reseté notre game au lieu de faire continuer. Comme, non! Hey, on travaillait fort, man. C'est vraiment tough. Les ennemis, ils t'arrivent vite, puis tu te mets à capoter. Mais j'avais vraiment hâte d'essayer ça, pour vrai. Là. Je trouvais que ça avait de l'air sweet, puis j'ai bien aimé. Fait que je vais effectivement me pogner à copie physique là, sur le site d'Atari, si possible, ou Amazon, voir lequel le moins cher des deux. Parce qu'Atari, on rappelle que c'est en Europe, fait que ça peut être cher. Là. Puis ça va revenir à 100$, là, je sais pas quoi. Mais j'ai beaucoup aimé ça, puis voilà. Fait que Ellie, il avait même pas déballé sa console Atari 7800. Il a emmené ça, il a emmené une badge de jeu. On a tout déballé ça, là c'est drôle. Il y avait des PS5, Steve Anniversary, là, grise. Ah, là. J'aurais dû mettre la photo. Il y avait des affaires qui valaient. Il y avait un petit meuble, genre, à peu près ça de l'argent. Puis dessus, il y avait genre 3 PS5, mais 3 PS5 différentes. Une Pro, une Anniversary Collection, puis une plus petite. Puis en arrière, il y avait genre ma pocket entre les trois. Là, ah ouais, puis au pied, il y en avait pour des milliers de dollars de PlayStation sur ce petit meuble de rien. Là, ok, puis, tout pouvait fuck that, on joue à l'Atari 7000. Mais moi, j'aime ça parce qu'on buvait de la bière, on s'est comme rassemblés 3-4 là, à fixer sur un jeu aussi simple, mais à vouloir l'aboutir, puis à se rendre au boss. On comprenait pas le pattern du boss, c'est dit, puis là, on y est arrivé. C'est des beaux moments de gaming. Moi, sur ma grosse TV en plus. Ah ouais, sur ton énorme TV. Ben, je vais rester, moi, je vais coller ici, c'est drôle. Ça, ah, ça, oui, ce parce que c'est un peu ça le WEG aussi, c'est de coller à checker des games c'est de ça, du moi, monde, comme... puis à prendre à une bière. J'ai l'impression que j'ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup de jeux, mais j'ai pas joué tant, mais c'est ça. Exact. C'est passé ça, là. Un beau moment, toujours des beaux moments. C'est plein de beaux moments comme ça. Moi, juste assister à ça, c'est magnifique. Ça me rend heureux à 45 ans de faire ce genre d'affaires. C'est enfantin, mais moi, man, je crave ça. Des 3-4 gars dessus à bûcher avec la bière, à essayer de passer un jeu. On est collés là-dessus, tu sais, comme pendant une heure et demie. Sur une niaiserie du genre, à Jump King, mais on est tous des adultes avec des responsabilités. Genre moi puis Ellie, avec une essayer de faire passer une baie dans un labyrinthe, à varger pendant que tout le monde dort à 3h du matin. Ah ouais, ah ouais. Fait que très beau petit jeu. Bien aimé ça. Toi, ton prochain? Parlant encore de Ely, justement. À un moment donné, il y avait des. Dans le chalet de gaming, il y avait des TV. Puis entre deux TV, il y avait une petite arcade Evercade. Oui. Fait que je l'ai massé là-dessus. Donc, c'est le Evercade Alpha. Puis c'était le Mega Man Bar Top Arcade qu'il y avait. Donc, l'arcade de gauche. Je suis allé me taper une petite game de Batsugan, je pense, là, ou de Doom. Je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est Batsugan. Ça? Batsugan que j'ai fait? Oui. S'il y a Batsugan, je fais Batsugan. Ouais. Parce que, là, je me suis assis là pendant une demi-heure, genre, puis j'ai fait Batsugan et ça marche très bien, cette mini-arcade. Oui. Puis la particularité de ça, c'est que ça lit des cassettes de Evercade. Oui, exact. Fait que ça, c'est un petit bar, comme mettons chez nous, mettons, si j'avais pas le Hi-Cade. Mais ça prend pas beaucoup de place. C'est une petite arcade. L'écran est petit, par exemple, là. Ouais. Mais ça se joue très bien pareil. Mais il est sharp. T'es vraiment comme une. C'est une mini arcade. T'as la face dedans. C'est une mini arcade. Fait que j'étais assis entre deux TV, puis j'en jouais à Batsugan tout seul. Ben, ça te faisait un petit break entre deux affaires, puis il y avait du monde autour de toi, puis tout. Fait que, tu sais, c'était chaleureux. C'est chaleureux. Tout le monde jouait quelque chose. Moi, j'étais sur le gin tonic, là, encore probablement. Fait que là, je dis, ben, quoi, je moi, je vois à ça. Mais je trouve que c'est un très beau petit produit, ça. Ah, pour vrai, elle me tente, là, beaucoup, là. Alors, nous autres, l'Evercade, là, c'est comme une machine, ça, qui me tente, puis j'achèterais tout ça, puis j'utiliserais jamais. Mais probablement, moi aussi, mais juste l'avoir. Je suis tout le temps sur le bord de flancher, puis il y a tellement des compiles intéressantes d'affaires obscures, puis... Puis Ellie, il y avait, genre, une boîte avec... Je pense qu'il y a tous les jeux d'Evercade, là. Ouais. Puis le 3K, t'as même pas de déballé. Ah genre. Ouais, il fait juste les acheter, puis les crisser dans une boîte. Peux-tu ouvrir ça, genre? C'est ça. Ah non, c'est complet, là. Il y en a plus de 500 jeux compatibles sur ça. C'est tout ce qu'on voit là, en fait, là, les jeux. Là. Non, c'est une belle machine. Pour vrai, je pense qu'elle est 300, peut-être. Là, 2, ah oui, 200, oh, ça, OK. C'est pas donné. Je trouve ça cher. C'est cher, mais c'est de la qualité. Puis ça lit les cassettes. Puis tu peux jouer à deux. Tu peux mettre une manette dedans aussi. Ah oui, c'est vrai. Tu mets deux manettes, puis tu vas jouer. Fait, ça peut te servir de télé et console, oui, en même temps. C'est versatile et ça joue les jeux, les compilations et tout ça. Donc, très voilà, cool. La Evercade Alpha, donc Mega Man Bar Top Arcade que j'ai joué. Malade. Très, très bien. Mon prochain jeu est G.I. Joe Wrath of Cobra. Donc Fred tenait beaucoup à ce qu'on joue à ça parce que Fred avait des projets très précis. Oui, on trouve que ce jeu-là copie beaucoup les Turtles sur lesquels Fred a travaillé. Fait que on n'était pas sûr, tu sais, parce qu'on regardait des trailers de ce jeu-là puis on se dit, of course, le visuel est très copié Turtles là. Ouais. Mais ça a l'air le fun. Puis G.I. Joe, ben c'est une franchise le fun. Puis on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que là, on a eu déjà un gros problème direct en partant qu'on jouait sur une Xbox Series. Et puis c'est comme si le jeu, ça, on peut jouer jusqu'à 4, mais c'est comme si le jeu, il était pas, ils ont arrêté à 3. Okay. C'est comme s'il y avait pas fini de programmer le jeu pour qu'on puisse jouer à 4. Fait que là, on a passé une demi-heure restée à essayer de comprendre pourquoi c'est la quatrième manette, elle voulait pas se loguer dans le petit jeu. Puis là, on a essayé finalement un autre jeu, puis ça connectait tout de suite. Fait qu'on a déduit que c'est le jeu, il est juste broken, que sur Xbox Series, il peut pas jouer à 4 parce que les manettes ne signent pas. C'est bien weird, ça. Fait que, en tout cas, ça, c'était vraiment pourri, là. Fait que, très, très, très décevant comme jeu, là. C'est... Il n'y a pas de grab, il n'y a pas de... Tu sais, c'est juste genre bing, bing, pouf, là. Ouais, okay, that's okay. It. Puis repeat, repeat, repeat. Tu peux ramasser des guns, un gun, là, puis tirer un peu. Tous les personnages sont... ben là, c'est les personnages de G.I. Joe, là, ouais. Classiques, là. Mais c'est, ils sont tous un peu pareils, tu sais. Il n'y a rien de spécial, là. Et puis, je trouve, moi, j'avais pris Roadblock. Et puis, est-ce qu'ils ont des noms, hein? Je voulais, puis j'aurais aimé prendre Gung Ho, mais il l'avait pas. Mais j'ai pris Roadblock. Puis là, lui, il était, of course, il frappe plus fort, mais il va pas vite. Mais je le trouvais très rapide quand même. Okay. Aussi vite que Scarlett, là, tu sais. Fait qu'au final, tu sais, c'était comme mal balancé un peu à ce niveau-là aussi. Et puis, c'était très long. C'est très répétitif, très, très, très long parce que tu fais tout le temps la même maudite affaire, tu sais. Fait que je recommanderais pas vraiment ce jeu-là. Là. Après deux niveaux, on avait fait. Notre idée était très bien faite, là. Et puis on s'en allait nulle part avec ça. Mais bon, Fred, là-dessus, puis sur les Power Rangers qui avaient l'air pénible aussi, là. Ouais, ça, j'y ai pas joué. Non, fait que je sais pas. Mais j'ai joué un autre jeu que je vais parler avec Fred tantôt, puis là, on a eu du plaisir. Ouais. Mais ça, c'était. C'est vraiment pas réussi. Vraiment pas. Donc, méfiez-vous de cette chose-là. C'est plate et répétitif, puis vous allez jamais. C'est rien, là, comparé aux Turtles. Hein. Ouais, rien du tout, là. Fait que, voilà. Mais j'étais quand même, je remercie Fred, on a pris le temps, puis on l'a fait, puis je suis vraiment content de l'avoir fait, là, j'y tenais. Ah, même si c'est mauvais, faire des projets, c'est ah ouais, c'est un projet, plaisant, puis on veut tous les découvrir, ces jeux, on est curieux, fait que notre curiosité a été satisfaite. Des épicuriens du gaming. Absolument, c'est ça qu'on est, tu sais. Gin Tonic et G.I. Joe. Gin Tonic et G.I. Joe. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai tout le temps mon PC maintenant que j'amène puis que je plug sur ma grosse TV pour quand il y a des temps libres et lousses, qu'on est trop chaud puis trop tard. Et un jeu qui ressort à chaque fois que je fais le WEG avec Eli puis Matt, puis là, il y avait aussi Bouest qui est venu avec nous autres, Monsieur Gosselin. Oui. C'est Fort Boyard, mesdames et messieurs. Oh! On s'est tapé une belle game de Fort Boyard sur PC. C'est tout le temps très le fun. C'est des mini-games, c'est un genre de Mario Party, là, dans le fond. C'est chacun son tour, puis tu fais des épreuves dans Fort Boyard. Des épreuves qui sont à TV, des épreuves qui sont pas à TV, évidemment. Des trucs le fun, ça va très vite. Tu peux faire une game de 20 minutes, puis t'as fait une émission complète, là. T'as passé partout le petit nain qui court, là. Puis, tu sais, c'est Fort Boyard. Mais ça, c'est un jeu... pas de console, là. Il est sur console aussi, me semble. Ah ouais, cette version-là, tout? Ouais. OK. Mais moi, je l'adore, ce jeu. C'est vraiment... c'est des petits mini-games, tu sais, c'est... Hey, très... ça a l'air de la mort. Mais c'est bien fait, ouais. Mais c'est parce que tu joues à 4, mais c'est une manette. Fait que tu te passes la manette, puis t'as chacun ton joueur, puis chacun fait son épreuve. T'sais. Ah, ben là, le trailer, il monte Xbox One, PS4. C'est ça, là, tu sais. Puis Switch. Mais ça, c'est juste que c'est des minigames un après l'autre. Okay. Fait que chacun fait sa minigame, à un moment donné, tu le réussis pas, c'est dans vos cachots. Puis là, ah, ok, on s'envoie le père Foura, faut avoir la réponse à la question. Ah ouais, Féline Dra, tête de tigre. Puis là, tu gagnes, tu lises les boyards à la fin. C'est Fort Boyard en jeu. mais c'est Lindra, ça. Tête de tir. Pour une petite game de 20 minutes, c'est le fun. C'est genre, puis au début, tu choisis ton nom, t'as des randomizers de noms. Puis genre, les amis de l'anxiété, genre qu'on avait à pogner, il me semble. Il y a beaucoup de jokes de suicide puis d'anxiété au WEG. C'est la base. Là. Mais oui, donc on a joué une petite game de Fort Boyard, on a eu bien du plaisir puis on a changé de jeu après ça. Crème Jim dans le chat qui dit c'est tellement bon ce jeu. Ah, j'ai dit c'est un petit hidden gem pour ah, moi, ouais, Fort Boyard. Ah, ok. Outre la thématique un peu niaiseuse, donc c'est bon. Ben, c'est des épreuves, fait que c'est des mini-games à jouer à plusieurs. Fait, oui, c'est le fun. Là. C'est, moi, j'aime bien ça en tout cas. Très intéressant. Pas des longues games, mais des bonnes games. Prochain jeu et dernier pour moi. Il s'agit de Iron Meat que j'ai finalement pu essayer. Ouais. Donc Iron Meat est le meilleur contrat depuis Blazing Chrome. Donc il n'y a pas eu de bon contrat. Et puis ouais, moi j'avais pas trippé tant que ça Opération Galuda. M'a dire. Puis Iron Meat ça voulait être le parfait contrat et c'est vrai. Donc c'est sans prétention. C'est gory, niaiseux, du sang, des autobus qui se transforment en monstres. Ah ouais, du métal qui saigne. Ah ouais, c'est fou raide. Et puis, ouais, du métal qui saigne carrément. Et puis, ça se prend pas au sérieux, mais man, le gameplay est parfait. C'est bon. Les guns, t'as joué toi aussi? J'avais fini l'autre week d'avant avec Bonin. Ok. Puis, t'as 30 vies quand tu joues tout seul. Quand tu joues à deux, c'est 15 chaque. Fait que chaque ce qui est quand même beaucoup. T'sais. C'est beaucoup, mais pour chaque niveau. Mais t'as le reset à chaque niveau. À chaque niveau, ils te remettent tes 30 vies. Et puis, tu sais, nous autres, c'est notre première game. On connaissait pas le jeu. On connaissait. Des fois, ils te popent des affaires d'en face. Ouais, t'sais, là, ouais. Tu le sais à ta prochaine game. Fait qu'on a. Mais pour vrai, une fois ou deux, en fait, on a refait un niveau. Et puis, les niveaux sont quand même un peu longs, là, moi, te le dire. Ouais, ouais. J'aurais préféré. J'aime la longueur du jeu, mais j'aurais peut-être découpé les niveaux un petit peu plus courts. Je sais pas, j'aurais joué avec ça. Mais c'est la parfaite expérience contre tes deux guns que tu switches entre, tu sais, dans toutes les directions. T'as pas de grosses bombes, par contre, de gens qui blastent tout l'écran. Tu peux doubler la force de ton gun en pognant un deuxième power-up. Mais simple, là. Tu sais, moi je voulais pas rien de compliqué. Puis esti, c'est exactement ça qu'on a eu, là. Une belle expérience de jeu, simple, efficace, run and gun contre, comme sous son meilleur. Puis Opération Galuda, je comprends pas pourquoi, des fois, je mourais. Il y avait comme des petits lags un peu de. Chris, pourquoi je me récite? Je trouve que contre au NES, c'est pas mal plus tight au niveau du gameplay fucking Opération Galuda. Mais là, avec Iron Maid, on y revient. Tight, là. Ouais, c'est tight. Là, c'est recrinqué correct. Si tu meurs, c'est de ta faute, là, généralement, dans ça. Là. Exactement. C'est pas parce que c'est comme... Non, c'est snappy, c'est drette dans ta face, c'est bloody. C'est très drôle. Ça vaut vraiment la peine. Ce jeu-là a été publié en version physique par Strictly Limited, qui sont du monde qui drop la balle en tabarnak. C'est une petite compagnie de tout croche. Puis le tirage est très limité. De là, son prix qui a beaucoup... j'en ai parlé au segment collection d'épisodes précédents. Anyway. Et puis, je pense qu'il nous en reste une copie chez Retro MTL. Ça fait le troisième restock qu'on a eu. Ouais. La version en métal, on est vraiment chanceux. Fait que si vous le voulez, allez voir tout de suite sur le site de Retro MTL et revenez par la suite. Oui. Voir s'il reste une copie. Ça vaut absolument la peine. Là. Puis nous, on le vend ici au prix retail, anyway, pas au prix de eBay. Ouais. Fait que ça sera pas cher. Dans le chat, il me semble que tu en avais déjà parlé, Fort Boyard. Ouais, Blasman, oui, effectivement, mais d'un autre wake précédent, probablement. Là. Hein. Pipi Cacapouel qui dit « Manquerait le double jump à Iron Maid ». Oui et non. Je suis à l'aise qu'il n'y en ait pas, moi, personnellement. Ça, le gameplay, est ça, puis il est ça. Il n'y avait pas de double jump d'un contrat à l'époque, fait que ça marche aussi. Jean-Gabriel Harvey qui dit « Iron Maid est sur la coche ». Bien content d'avoir pu avoir une copie Metal Edition chez Retro MTL. Excellent, mon ami. C'est sanglant, c'est gore, c'est bon. Et puis, Jim qui demande dans le chat, as-tu beaucoup de choix d'armes? C'est intéressant parce qu'il y en a genre 3... Pas tant, donc 3. Mais il y a eu un update dernièrement du DLC gratuit. Ils ont rajouté des guns, puis ils ont rajouté peut-être un skin ou je me rappelle pas quoi. Donc, il y a eu une petite mise à jour gratuite de Iron Maid. Allez voir ça. Très cool stuff. Très bien. Fait que voilà. Mon dernier, on avait dit tantôt qu'Eli avait amené son arcade de char avec des guns. Fait que ça m'a donné la chance de jouer à Lucky and Wild. Mm-hmm. T'es très content de pouvoir essayer ça. J'ai jamais essayé ça. Hein. Qui est un jeu de char. Donc, le premier player a un contrôle de la voiture et un fusil. Puis le deuxième player a un fusil également, mais contrôle pas la voiture. C'est difficile à jouer tout seul, d'un. Je te dirais aussi que la conduite de voiture est un peu accessoire à ce jeu-là. Ah ouais, c'est plus de plus gun. C'est plus du gun que de la voiture. Là. T'as pas même de problème en auto, là. Faut un peu que tu tasses, là, mais sinon, c'est ça, c'est, tu gunnes, ça revole, c'est très cartoon, c'est très très bien, j'ai eu bien du plaisir à jouer à ça. J'ai pas fini, là, c'était quand même très long, mais j'ai eu du plaisir. J'étais juste un petit peu proche de l'écran, avec la one-up, là, c'est quand même rapproché, fait j'étais quand même un peu de me pogner à conduire le gun, mais quand même, juste pour avoir eu la chance d'essayer ça, c'est un grand classique... Lucky and Wild. Là. C'est une arcade que Bruno en parlait souvent, mais ça me rétro nouveau. Là. C'était un de ses classiques, ça. Là. Quand j'ai vu qu'il y avait ça disponible, je jouais à ça. Et j'ai passé une petite demi-heure là-dessus, peut-être. Là. Non, un petit peu moins que ça, probablement. Là. Mais non, très, très bon jeu. Lucky and Wild. Excellent. Regardez ça. Excellent. Est-ce qu'elle est? Fait que ça fait tour de nos jeux WEG. Ouais. Déjà. Bon, ben, Chris, on continue. Là, je te segmenterai ça avec une petite musique. Oui. C'est l'excellente musique, ça, de Tiny Toons au NES, le premier. Oui. J'aime beaucoup cette tune-là. Attends, laisse-la aller. Mets du son. C'est ce bout-là. Je vais rebalancer les tracks. On peut les avoir plus fort que ça. Hein. Fait que, donc, on s'en va en critique avec Bad Boy, donc, que j'ai présenté tantôt. Oui. On a des critiques. T'en as une, toi aussi. Ben oui. Elle sera très brève, la mienne. Oui, ben, je vais essayer de faire ça quick, moi aussi. Donc, c'est développé par Sunzai Games et publié par Dangan Entertainment. Et c'est disponible sur toutes, sauf Switch 2. Ah, ouais. Ben, tu peux jouer sur ta Switch 2 quand c'est rétro-compatible. Ben, voilà. Fait que voilà. Donc, ce que c'est ça, les amis, puis Bruno l'avait critiqué à Rétro Nouveau, je le rappelle, mais je vais le critiquer moi-même aussi. Tu peux partir le gameplay. C'est un jeu au look 8-bit, 16-bit. C'est, moi, je trouve que c'est carrément Shovel Knight. Donc, t'es un... l'histoire, là, c'est super bon, là. T'es un jeune du secondaire et puis t'as plein d'amis là qui sont un jeune sportif. Toi, ton sport préféré, c'est cool. Le baseball. Ouais. Puis tes amis cool, ils ont tous des sports préférés différents. Okay. Le jour, vous allez à l'école, faites du sport, mais le soir, vous combattez le crime. Et puis là, avec des suits là, wow, thématiques de vos sports. Okay. Et puis là, il y a un méchant là, qui vous apporte dans une autre dimension. C'est un peu comme Sport Billy. Sport Billy. C'est pas du tout comme Sport Billy, mais... J'ai juste plugué Sport Billy. Il y a juste Sport Billy que tu voulais plugger. Il n'y a pas personne, de petit sac. Personne ne va se rappeler de ça, là, mais... Moi, je me rappelle. Il n'y a pas de petit sac. Et sacoche jaune. Il n'y a pas de vaisseau spatial en forme de cadran. Sport Billy. C'est juste le nom qui était le fun de ça. Puis, fait que tu te fais envoyer dans ce coin-là... Attends un peu, là. C'est Jim dans le chat là, qui me déconcentre, qui dit que je vais faire une joke de pénis... On va voir. Ça, on sait pas. On va voir. Donc, tu t'en vas dans le monde, dans l'autre monde. Et puis, bien sûr, tous tes amis se font absorber. Puis là, ils deviennent les boss de tous des niveaux différents. Et puis, tout c'est là où est-ce que Shovel Knight utilisait le pogo attack pour rebondir sur la tête des ennemis partout, tout le temps. Puis on faisait tout le temps ça. Ben Bad Boy, lui, c'est comme un spin attack en sautant. Donc, tu fais ça dans les airs, tu frappes les gens de par le dessus et tu rebondis. Et puis, c'est beaucoup ça que tu utilises dans le jeu. Tu peux juste swinguer des coups de batte normal, mais tu fais au final jamais ça parce que la portée est peu. Et puis, donc, tu finis chaque niveau avec un de tes amis à la fin qui est possédé. Tu lui donnes des coups de batte de baseball dans la face, puis là, il se dépossède. Et ça, c'est très drôle. Et puis, il t'apprend un skill de son sport. Fait que là, tu utilises toutes ces skills-là que tu accumules après chaque niveau que tu passes pour faire toutes sortes de choses, comme dasher très vite et rentrer dans le monde comme un joueur de football, ou avoir une espèce de grappin, ou avoir un dash dans les airs, tu sais. Ben, quand je dis dasher, c'est courir. Quand j'ai un dash, on a comme juste slider à une distance, il y a ça aussi. Lancer une balle de tennis, lancer des ballons. Okay. Il peut rebondir ses ballons, tout ça. Mais de tous ces gogosses-là, j'utilisais pas mal tout le temps les mêmes affaires, soit le grappin et le dash. Parce que on n'a pas besoin d'autres choses dans les jeux vidéo. Et puis, t'as un overworld map à la Mario 3 où est-ce que tu peux choisir de faire les niveaux dans dans l'ordre que tu veux. T'as des shops où est-ce que tu peux... Tu trouves dans chaque niveau, il y a trois comme radis et puis une cassette audio à trouver. Et puis, ils te le disent, là, si, ce qui te manque, si tu l'as pas trouvé. Fait qu'il y a ça à trouver dans chaque niveau. Tu ramasses de l'argent. Et puis, avec tout ça, tu peux utiliser les radis pour booster ta life, donc pour avoir plus de life et pour avoir plus de stamina. Ton stamina sert à utiliser les attaques spéciales dont je parle depuis tantôt. Et puis, donc, très important de ramasser tout ça. Et puis, avec l'argent aussi, tu peux acheter des potions un moment donné pour te redonner de la life et tout. Mais pour vrai, quand c'était rendu à débloquer ces affaires-là, j'étais tellement rendu puissant que j'ai pratiquement jamais utilisé ça. Okay. Fait que je m'en foutais un peu. Et puis les cassettes, ben, c'est pour débloquer le jukebox. Il y a une taverne où est-ce qu'un coup que tu bats tes amis, ben ils sont corrects, mais ils s'en vont tous chiller à la taverne. Mais il n'y a rien de vraiment spécial ça non plus. Fait que ça servait un peu à rien. Fait que voilà. Donc au final, c'est purement Shovel Knight. Puis le look aussi, il est très Shovel Knight. Les petits diamants que tu ramasses, ça fait Shovel Knight. Quand tu les collectes, ça fait le cling, comme Shovel Knight. Donc, pour vrai, là, c'est du un pour un pour moi, là, l'inspiration de ça. Puis c'est bien correct parce que c'est ça que je voulais. J'avais vraiment hâte d'essayer ce jeu-là. Pour ça, j'aime ces jeux-là, moi, qui ont l'air d'un jeu NES ou Super NES. Contemporain avec un gameplay le fun, là, et puis de base, sans se casser la tête. Puis, c'est ça, histoire cheesy. T'as une espèce d'oiseau aussi qui est un buddy, là, un ami. Un familiar. Un familiar, mais il fait rien. Il fait juste comme dire de la marde. Il est super condescendant puis attitude, tu sais, avec tout le monde. C'était quand même un peu drôle, là. Le scénario, il est un peu comique au niveau de la rédaction. Je trouvais ça sympathique. Okay. Mais pour le reste, il sert absolument à rien. Sauf à la toute fin où est-ce que, spoiler, of course, il y a un segment shmup. Oh, parce bon. Que qu'est-ce qu'un jeu indie si c'est pas genre une pour finale vrai, shmup? Arrêtez-moi ça, là. Pourquoi ils font ça tout le temps? Ah, mais, un jeu que t'acquiers des skills puis que tu finis en shmup. Genre, ben, pourquoi? En même temps, j'ai trouvé... Ben, il était difficile ou c'était ben, non, je l'ai fait du premier coup, là. Mais, parce que genre, c'est quoi le jeu? Extermination Force, à la fin, il est dur en crisse le bout en shmup. T'es comme, tabarnak, pourquoi? Là? Ben, tu sais, même, je vais en parler, le jeu est sorti depuis un bout, mais même dans Sea of Stars, ils ont acheté des niveaux de shmup. Rien que pour niaiser, j'ai l'impression, parce qu'ils savent bien que tout le monde fait du shmup à cette heure. C'est un trend. Comme à la fin, c'est un trend. Mais j'ai trouvé ça très drôle quand même, là, tu sais. Et puis, c'était correct, là. Tu sais, après avoir battu le boss de fin que j'ai oblitéré, là, tu sais, c'est ça. À la fin, j'étais vraiment rendu très puissant. Puis, je suis retourné tout faire. Tu sais, il manquait, à la toute fin, il manquait vraiment peu de choses, là. Puis, je suis pas allé sur Internet jamais pour essayer de trouver où est-ce qu'elle a la cassette qui me manque, où est-ce que. Puis, j'avais envie de le faire parce qu'il me manquait vraiment pas grand-chose. Donc, complété à 100%. Donc ça, j'ai eu bien du fun avec ça. Il n'y a pas de New Game Plus, il n'y a, pas de fling-flang. Tu sais, c'est that's it, that's all, tu le fais, t'as du fun, puis c'est réglé. Jim dans le chat, il demande si la musique est bonne. Oui, elle est bonne. Elle m'a pas... Il n'y a pas une track là-dedans que je me souviens, que je peux te dire, qui m'a rentré dans la tête, que je suis comme Chris de « wow », comme Shovel Knight, où est-ce que là, je peux te chanter, je peux te hummer du Shovel Knight direct là, mais je pourrais pas te chanter du Bad Boy, là, tu sais. Fait que, mais somme toute, c'est drôle parce que là, c'est Double Dragon Neon qui joue présentement. Ouais. C'est fait par Vert, mais c'est Jake Kaufman, en fait. Puis Jake Kaufman a fait les soundtracks de Shovel Knight. Tout est dans tout. Ben oui. Fait que voilà. Donc, très, très bon petit jeu, là, Bad Boy. J'ai eu bien du fun. C'est pas compliqué. C'est quand même un petit peu plus long, je pensais. Puis c'est parfait de même. Il nous en reste des copies chez RetroMTL, comme je disais. Donc, gâtez-vous si vous aimez ce style de jeu-là. Alors, pour toutes ces raisons, mon beau Jean-François, je vais donner un 3 pommes et demi à ce jeu qui fait très bien la job, qui révolutionne rien du tout, mais puis qui invente pas grand-chose et puis qui aurait pu être poussé à certains endroits. Mais pour moi, ça a fait la job. Excellent. Et, y en a-tu des shmups qui se terminent en platformer? Man, tu tiens quelque chose, là. Ouais, hein? Mon premier jeu de Pico sera un shmup platformer à la fin. Qu'est-ce tu descends ton vaisseau, puis il faut aller dans une planète, quelque chose. Ça, se ferait. J'espère que Michael nous écoute. On a peut-être une idée, là. Michael, PA, tout le monde, là, tout le monde qui les faiseurs de jeux. Les gens qui font des jeux, là, qui ont du temps, là. Let's go. Ouais. Première ce soir d'homme dans l'univers de chez Papa Cassette, je t'amène en réalité virtuelle ce soir. T'en as jamais fait sur le show? Je pense que non, pas ici. Arrête au nouveau, évidemment, souvent. Là, j'ai couvert ça abondamment à la sortie de tout ça. Mais là, on s'en va dans la réalité augmentée aussi ce soir d'homme. Okay. Donc, je te parle de Beatable. OK. Ou Beat Table. C'est un mix de Beat et de Table. Donc, Beatable. Développé et publié par XR Games Limited, disponible sur MetaQuest, sur le 3 en fait. Je pense que tu peux jouer sur le 2 également, mais moi j'ai joué sur le 3. Donc c'est un jeu de rythme, ça, d'homme, qui se joue avec tes deux mains et une table. Mm. Beat Table. Ah ben oui, ah ben on a joué au WEG. Ouais. Exactement, c'est Eric qui l'avait. C'est Eric qui l'avait. Il arrêtait pas de m'en parler, puis là il l'avait au WEG. Je dis, Eric, ben je veux essayer ça. Donc c'est un jeu de rythme, en fait, comme t'sais, Rock Band, comme ces jeux de rythme-là. Exact. Sauf que t'as pas d'instrument, t'as pas de manette, t'as rien. Tu vas avoir quatre colonnes qui s'en viennent vers toi, donc quatre rangées de notes qui s'en viennent. Ouais. Et tu tapes sur une table, en fait. Ouais. Et c'est tout. C'est ça le jeu. Exact. Donc, en fait, tu vas mettre tes mains au début, t'appuyer pour comme dire, OK, voici mon plan de jeu. Ouais. Tu as quatre boutons, tu vas taper dessus, puis là, ça va te dire, OK, ben c'est beau, tu peux commencer. C'est ça. Donc, des notes simples, des notes doubles. On va aussi taper des mains, des fois, claquer des doigts. Ouais. Heureusement, ils prennent pas en compte le son, ils prennent juste la motion que tu fais. Fait que si t'as pas à claquer des doigts pour vrai. Ce qu'on voit en ce moment, c'est la vision que vous avez si vous venez à la soirée du podcast. Ah, ça, c'est chez vous, ça. C'est chez nous. Backstage, soirée du podcast. Je voulais avoir un petit bonus, en fait, de montrer ça de même, là. Donc, voici l'interface quand vous jouez en réalité augmentée. Donc, tu peux l'avoir en VR, donc dans leur environnement. Mais tu peux aussi y aller en Et elle est augmentée comme ça, donc c'est un pass-through. Fait que ça filme ce que ton environnement comme tu as chez vous, mais la track va être devant toi dans ton environnement. Fait que tu peux voir la table vraiment ce que tu tapes. Ça, c'est très très bien. Fait que c'est ça. Donc on voit en ce moment là. Bon, c'est moi qui joue évidemment. Il va y avoir des notes simples, il va y avoir des notes que tu vas devoir tenir. Donc tu tapes et tu mets ta main là et tu la tiens. Ouais. Des fois, il va y avoir des slides à faire comme on va voir là ici. Donc tu vas mettre ta main et tu vas glisser vers un autre des colonnes de jeu. Puis c'est pas mal ça le jeu, je te dirais. Ben oui, c'est that's it. C'est super efficace pour vrai là. C'est très très bien. Il y a présentement 21 chansons sur ce jeu-là. C'est des vraies chansons d'artistes qu'on connaît? C'est pas des. Ben, c'est un mix de chansons originales et de vraies chansons, mais les vraies chansons que je connais pas. Là. Fait que ça doit être des artistes plus indépendants peut-être. Là. Il y a des tracks qui viennent, mettons, du jeu de Zombieland qui avait sorti il y a une couple d'années en VR. OK. Mais ça va c'est très très bien. Le tracking est quand même bon pour les modes moins avancés. Quand on tombe dans les... En fait, là, c'est la fin de la toune. On peut voir tout le décor, même l'ancien décor de Rétro Nouveau qui était à droite. Oui, absolument. Et je voulais juste mettre ça en gros parce que je veux montrer que j'ai battu Eric dans cette run-là. Donc, on va voir. Oh. Il y a des high scores avec vos amis, donc, qu'on peut voir. Je vais pointer que j'ai battu Eric ici. Je salue Eric au passage. Donc, c'était pour ça. Donc, ouais, des high scores mondiaux à droite, des high scores contre vos amis à gauche. Puis... plusieurs. Oui, t'as le choix de la Jim demande, t'as le choix de la difficulté. Le fait que t'es genre novice, médium, expert. Le tracking est bien, mais des fois c'est difficile. Puis je trouve que plus t'avances dans les niveaux, plus ça devient compliqué. Ou on perd un peu le tracking quand ça va très vite. Parce que tu sais, ils sont pas au son. Fait que t'as tendance à pas lever tes mains, mais si ton. Je pense que si ton casque track pas, que tu lèves vraiment ta main. Des fois t'es un peu off quand ça va très très très vite. Fait que. Ah. Je trouve que c'est un bon jeu, mais c'est un jeu que tu vas jouer plus... Tu vas pas devenir genre un king le platinum de jouer à ça. Là. Tu peux pas avoir les skills à faire les tunes à expert, je pense. Tu peux peut-être développer le skill mécanique de trouver comment bien le faire pour qu'il track comme il faut, mais il faut que tu amplifies tes mouvements puis ça vient un peu comme briser ton rythme. Là. Hmm. Mais c'est vraiment... c'est une critique. Ça se peut aussi peut-être moi aussi qui le joue pas comme il faut. Des fois, t'oublies là, quand t'as pas la manette, t'as pas un support physique sur lequel taper. J'avais déjà parlé de comment ça s'appelle Ragnarok en VR, ouais, quand tu joues avec des tambours. Même affaire, tu sais, t'es dans le vide, fait que des fois t'es un petit peu off, tu t'en rends pas compte. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça vient avec ces jeux-là, là, en fait. Mais c'est ça, là. Mais c'est. Il y a des tracks qui sont très très bien faites que. Des tracks genre plus country qu'on dirait que tu vas faire des slides de guitare, avec des mains. Ouais. C'est ben, on voit que tu glisses un peu ta main. C'est ça, là. Des fois. Puis il y en a des fois qui sont très longs, tu vas glisser longtemps. Ouais. Fait que c'est super satisfaisant. Bon, puis taper des mains, puis tout ça. C'est très très le fun, là. La musique est bonne. J'espère qu'ils vont avoir des tracks plus licencés qu'on connaît, puis qu'il va y avoir plus de chansons qui s'en viennent. Mais 21, c'est quand même bien. Là. Pour l'instant, je pense que le jeu est genre 9$ ou 15$, quelque chose genre. C'est rare, pas cher. Il te le crise d'en face. Il te le donne direct comme ça. On voit le setup ici, là, de comment on prépare là, ouais, le jeu. Là. Mais non, c'est pas bon jeu. Si vous avez un casque de Quest 2 ou 3, pognez-vous ça. C'est très très bon. Vous aimez moins vraiment les jeux de rythme. C'est un bon jeu à jouer en famille, là, à présenter des amis, mettons, jeu de showcase, de voici ce que la réalité augmentée peut devenir éventuellement. Là, ouais. C'est vraiment, vraiment bien. Là. Pour toutes ces raisons, je vais donner un 3 pommes et demi, moi aussi. OK, OK. Je m'attendais à un 4 pommes, mais c'est peut-être trop simpliste. C'est ça, c'est un peu trop simpliste. Et le fait que tu arrives dans une difficulté plus avancée, ça devient difficile un peu à contrôler, puis tu perds un peu ton tracking, mais pas tant, mais... Non, c'est un très bon jeu quand même. Là. Chapeau à tout le monde qui a fait ça. Là. Malade. C'est excellent. J'ai bien eu du fun. Découvert ça avec Eric, puis j'étais très content qu'il me le fasse essayer. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Je l'ai pas j'ai essayé. J'ai aussi pogné Pinball FX, comme jeu de pinball virtuel, mais tu l'as en réalité augmenté, ça aussi. Fait que je pourrais avoir une pinball là. Genre, comme ouais, là, c'est là, ça. Fait que c'est vraiment cool. Là, ah, ça, là, c'est t'achètes les pinballs que tu veux, mais ouais, c'est très bien. Là. Ça se joue bien. Parenthèse, on parlait de Shovel Knight tantôt. Ouais, ouais. C'est ça qu'il joue présentement. Là. Ouais. Tout est dans tout à soir. Les affaires s'en viennent. Cette bonne track, ouais. Mais c'est très cool, puis c'est pas cher en plus. Fait que des petits jeux de même. Si j'avais un casque de VR, moi je. Je cherchais mon image de Jeff qui est dans le VR, je l'ai ramené, j'ai pas trouvé parce qu'elle est. C'est vrai! C'est écœurant cette image-là. Ben oui, s'il retrouve là. Trouve là. Fait que. Les questions. On serait rendu aux questions du public. Excuse-moi, je suis sur le mauvais compte ici. Je vais commencer avec Instagram. Ouais. Parce que tel veut la tradition maintenant. Les frères, les frères Duff. Si on veut. Les frères Duff. Si on veut les frères Fréchette, on va commencer. Ils sont tout le temps là. Fait que on va commencer par le plus vieux quand même. On va commencer par deux jours. Porter JWC. Yes. C'est quoi le truc dans le magasin que tu as le plus hâte de vendre pour plus l'avoir d'impact? Ça, c'est drôle. C'est parce qu'on a tellement des affaires sites qu'on est comme longtemps. De quoi qui prend de l'espace ou bien quelque chose qui vaut beaucoup trop cher? Que ça fait très longtemps. Il y en a des fois, là. On réalise pas, là, tu sais. Présentement, quelque chose qui vaut cher, que j'aimerais qu'il parte, c'est l'espèce de collecteur de Maximum Carnage au okay. Super NES, là, qui vient avec le. C'est une grosse boîte, là, mince. Ouais. Avec le. Ça vient avec un comic book et puis des goodies, ah, là, okay, okay, okay. Tout ça. Fait que c'est super cher, tu sais, puis il n'y en a nulle part. Là. On a juste vu sur eBay mais des Genesis, mais la Super NES, on la voit pas pantoute. Ça met un ticket de show, genre, quelque chose de même. OK. Fait que ça, c'est ça. Sinon, il y avait un petit livre random de qui accompagne un jeu de Vita, man. OK. Puis on a tombé là-dessus un moment donné. Ça venait dans un lot, whatever, ça s'est perdu. Puis on l'a rentré en inventaire il y a genre 5 ans. Et puis on l'a vendu la semaine passée. Wow. Ça faisait, c'est un petit livre par rapport là, qui accompagne un collecteur de Vita. Là, okay. Et puis on l'a vendu la semaine passée. Martine n'en peut pas, on en pouvait plus parce que Martine attracte tous nos produits. Qu'est-ce qui stagne, mois là? Par mois. Ben pas les produits en particulier, mais les catégories. Okay, okay. Voici ce qu'on a dans les jeux usagés, voici ce qu'on a vendu, voici on a pour combien de temps encore, ouais, voici ouais. pour les manettes, voici pour les consoles, voici pour le papier, donc les posters, les ci, les ça. Puis dans le papier, il y a livre. Et puis on n'a aucun livre en avant, sauf lui. Fait qu'elle sait que c'est ce Christ de livre-là qu'elle voit mois après elle mois. Elle va enlever la catégorie années, puis là, finalement, on l'a vendu, elle est bien contente. Bambino Tacos. Salut les boys. Ils ont des, c'est le fun, ils ont des noms fuckés. Ils sont pas créés sur Instagram. Y a-t-il un jeu qui vous a plu et que vous aimeriez qu'il fasse une version physique Limited Run ou autre? Pour ma part, j'aimerais énormément une version physique de Prison City sur Switch que j'avais critiqué. Merci à vous deux, bon show. Fission Superstar X de la compagnie Turbo Pelvis 3000, compagnie québécoise, donc un genre de j'ai déjà parlé de ça, à retourner un genre de schmop dans l'espace là, ah, avec oui. un, des vaches qui dégueulent genre puis des ah oui oui je pense oui, qu'il oui. est même plus disponible sur Steam ce jeu là, je sais pas ce qui s'est passé, faudrait que je regarde encore, mais ce jeu là était très bon. Je prendrais un collecteur de ça. Malade. Moi j'aimerais bien qu'il fasse des jeux avec lesquels j'étais en amour, des jeux digitaux. Non. Attends, on s'est fait reprendre sur YouTube. Faut pas dire un jeu digital. Numérique? Faut dire un jeu format numérique. C'était tout ça? La personne nous reprend tout le temps là, en mais commentaire ça, ça sur peut. Format numérique, ça se peut. Ouais, oui. Un jeu numérique. Digital dans l'anglais, voilà. Ben, digital aussi, c'est comme un, c'est plus un affichage, ah, là, comme ouais, une vieille ouais. montre, là, ou je sais pas quoi. Ah, on là, fait c'est... ce qu'on peut, là. Ah, je pas, sais, pas là. Pas notre mais... faute si on parle mal. Non, mais en même temps, moi, j'aime ça corriger ouais, aussi, le tir, là. On fait notre les possible. Les si mangent plus les raies. Ah, les... jamais. Moi j'ai aussi, corrigé là. Ça. J'ai corrigé bien des affaires dans mon perlé, puis je parle comme de la marque. C'est plus un stage, je sac on à veut, pour les niveaux. Je sac à toutes les deux mots, mais j'aimerais ajuster certaines choses. C'est le patrimoine québécois, ça. Fait que Renegade Ops, qui est un jeu de Sega, publié, créé par Sega, qui est un, tu sais, dans le temps, Chris Retro Nouveau, ça fait longtemps, là, c'était oh, le ouais. Jackal, mais moderne, ouais, là, ouais, tu sais. Ouais. Fait que ça, j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup ça. Puis le tout premier jeu du tout premier épisode de Retro Nouveau, qu'on a fait une version rétro et ouais. la version nouveau d'un jeu, c'était Rush and Attack. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, j'avais fait la version NES, puis Bruno avait fait Rush and Attack Patriot. Ou j'ai complètement oublié le nom de ce jeu-là. Ça a passé dans le beurre fois 1000. Il y a juste Bruno qui en a parlé. Mais ce jeu-là existe quelque part encore. Wow. Et puis ça, ça serait hot. Je suis allé gamer vendredi dernier chez Eric Hébert dans son sol, puis on a ressorti Outland, qui est un... Okay. C'est un jeu fait par Ubisoft, ça, puis ça utilise un peu la mécanique, il me semble, de Ikaruga, mais où est-ce que tu switches entre deux couleurs, là. C'est un platformer 2D avec une épée, ah, tu slashes ouais, ouais. les ennemis, mais il y en a des bleus, il y en a des rouges, fait qu'il faut que tu switches ta couleur okay, d'épée, okay. On en fait de même, là. J'avais capoté là-dessus. Il y en a plein, man. Nyx Quest sur Switch, là, qui est un WiiWare, donc j'aimerais ça qu'il le fasse. Toutes les rebirths sur Wii, j'aimerais ah, ça. Tous les jeux qui ont des numériques, là, PS3, mettons, pain, là, genre le jeu que tu lances un bonhomme avec un slingshot. Là. Oui, il y en a. Tous ces même. Petits jeux-là sont perdus. Là, y ces jeux. Il y en a, il y en a. Tout ça serait tellement faisable. Matt Wimet, Pour Dom, c'est une longue question. Fait qu'on a chacun une question là-dedans. OK. Pour Dom, toi qui as grandi avec la console classique de Nintendo, est-ce que tu aimerais que la Switch 2 continue à exploiter la carte nostalgie comme la Switch l'a fait avec les jeux Super NES dedans, 64, ou tu préférerais que Nintendo passe à autre chose et innove davantage? Est-ce que tu crois qu'un bon équilibre entre rétro et nouveauté est encore possible aujourd'hui? Moi, je pense que Nintendo vont totalement continuer à continuer de domper. Pourquoi ils le feraient pas? Ils vont pas arrêter, tu sais. Ils ont pas fait... Ils le font depuis la Wii, tu sais. C'est pas une expérience, tu sais, comme ils en mettent, là, tu sais. Puis ça, c'est très bien. Of course, là, les gens, ils vont peut-être pas m'acheter des jeux physiques parce qu'ils veulent l'avoir, mais tu sais, c'est pas grave, tu sais. Moi, je vois ça comme le maintien d'un hype de rétro. Et puis, c'est très bien. Donc, il y a pas... l'équilibre entre rétro et nouveauté, le rétro fait partie, pour moi, je trouve, c'est mon opinion, que du jeu vidéo en général, l'univers des jeux vidéo. Ouais, ouais. Donc maintenant, on glorifie le passé, on glorifie les vieilles affaires, on prend le passé, on les remake, on s'inspire d'eux pour faire des nouvelles choses. Tu sais, pour moi, le rétro, il est autant présent que tout le reste. Fait que je trouve que tout ça, présentement, est très bien balancé. Ouais. C'est bon pour la business, c'est agréable pour les jeux qui sortent. Et ta question, Jeff... Qu'est-ce que tu penses des récentes coupures de lutteurs de la WWE? Sont-elles vraiment liées à la rentabilité post-fusion entre la WWE et la UFC sous TKO? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière cela? Ben, il y a du monde qui a été releasé, mais genre, tu sais, des vieux lutteurs, Artroot, genre qui est Carlito, du monde-là, c'est du monde que tu payes à pas lutter, là. Fait que, ah ouais? Fait que, oui, peut-être c'est de la rentabilité, je pense pas qu'il y avait rien derrière. Artroot, j'ai vu qu'il s'est fait offrir un contrat moins que ce qui était payé là, puis il a juste dit non, puis il revenait pas, c'est tout. Là, genre, c'est... Le gars, il a 52 ans, maintenant, il peut pas le garder actif tout le temps, même s'il était bon. Mais je pense pas qu'il y a rien qui fait se passe. Fait qu'on débarrassait du bois mort, mais il y a pas de grande... Je pense pas qu'il y ait de conspiration derrière ou rien de temps qui se passe en ce moment. Là. Mais il y a eu plein d'autres releases aussi, là, genre Braun Strowman, puis d'autres monde même, mais... Il y a trop de monde. Tu peux pas faire lutter tout le monde main event. Tu peux pas tout le monde être sous staff. Fait que ouais. Du staff qui lutte pas, c'est de l'argent gaspillé un peu. Là. En effet. Fait que c'est ça. Bon, je pense pas qu'il y a rien qui se passe. Là. All right. Tom Fréchette, l'un des deux. Penses-tu qu'il y a quelques Stadium Events dans les rangements du monde au Québec? Le prix de ton Stadium Events a monté en flèche. Il s'avère être une belle investissement. Tu vois, ça, je ne savais pas. J'ai zéro checké. Tu ne traques pas ton CDM event non, tous les jours? Non, je ne track pas. J'ai acheté ça, puis je l'aime, je le regarde ouais. De temps en temps, puis je check zéro sa valeur, tu sais. Mais tant mieux, il faudrait que sa valeur skyrocket, parce que moi, je m'attends... Le monde sont broke, là. Il n'y a personne qui va m'acheter ça. Je l'ai payé 16 000. Demain matin, je voudrais le vendre. Chris, faut que tu le trouves, l'acheteur, là. Fait que si, pour avoir mon argent ou pour avoir, mettons, 20 000, là, faudrait qu'il vale 60 000, tu sais, dans les yeux de quelqu'un, puis quelqu'un va se dire, ah, il y a 20 000, c'est une méchante aubaine, tu sais, moi, je vais être bien content. Ouais. Parce que tout ça, c'est de la spéculation aussi, là, tu sais, au final, la valeur est celle que tu réussis à le vendre, tu sais. Ouais, exact. Fait que, ben, tant mieux, j'ai pas regardé, fait que, voilà. Puis, s'il y en a d'un grenier, il y en a certainement, là, à des places. C'est drôle parce que Pat Country, sur son podcast, avait dit, en parlant de mon Stadium Events, quand il a été. Pas le mien, pas quand moi je l'avais, mais la personne qui l'a trouvé dans les petites annonces. Il y a Pat Country, son podcast, a dit, tu sais, des affaires de même, ça va continuer d'arriver, il va en avoir de plus en plus, puis à un moment donné, quelqu'un va trouver une boîte, puis il dit. Mais pourtant, c'est toujours pas arrivé! Ouais. Puis, ça fait des années de ça, là, tu sais. Ça fait 6 ans, là, tu sais. Ben, ça peut arriver, mais tu sais, même si demain matin, on injectait. Sans Stadium Events, non plus, là, exactement. Sans Stadium Events dans le marché, ça serait pas, ça ferait pas baisser la valeur à 500$. Ouais, Jim dans le chat qui dit Guy serait sûrement tenté. On a déjà parlé, on a déjà rigolé. C'est sûr que si je veux le vendre, je vais parler à Guy en premier. Là. Je sais qu'il veut vraiment ça pour compléter. Là. G-Roy 007. Lorsqu'une franchise de jeux vidéo fait un reboot de la série, quel point doit-elle accomplir pour que vous y rejouiez? Un reboot question très de la cérébrale. Série, fait que c'est de recommencer une série qui est morte. Ben, ou même pas qui est morte. Là, qui... Ben, un reboot, c'est de repartir d'une franchise, dans le fond. C'est ça qui ouais, repartir une franchise. Il faut que les mécaniques de base soient respectées, j'imagine, là, dans mon cas. En tout cas, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais si tu repars un jeu, faut T'as quelque chose de l'ancien jeu qui se transmet au nouveau, là, quand même. Oui, tu sais, les assets, le look, la musique un peu. Ben, il faut que tu flattes les gens qui aiment cette série-là. Mais si c'est une série qui a complètement foiré, faisant autre chose carrément, puis on rit avec ça, puis amène-le une place, puis là, on est comme, waouh, c'est hot, tu sais. Mettons Cheetah Man, si on repartirait ces jeux-là, puis on faisait. Ah, Chris, y en a-tu déjà eu un jeu de Cheetah Man moderne? Je me rappelle plus. Mais tu prends cette affaire-là qui est complètement injouable et brisée, puis tu fais un vrai jeu de Cheetah Man avec. Bayou Billy, là, mais t'as fait un très très hot, là, ouais. Très très hot Bayou Billy. Ça, c'est drôle. Ou, tu fais un jeu de Bird Corbeau, mais c'est Bayou Billy avec Bird Corbeau. Absolument. Bird Corbeau. Non, mais c'est ça. Faut respecter le lore. Là, faut faire plaisir au monde. Ouais, lore, ouais, j'avoue. Dernière question de Instagram. Antonin Fréchette, l'autre frère. Une bonne journée de WEG, ça représente quoi et combien en termes de consommation? Bon, on a beaucoup parlé depuis tantôt. Ouais. Hein. C'est pas un nombre de consommation. C'est variable. C'est plus un vibe. Ouais, c'est faut-tu dans la bonne vibe, c'est exactement, ça. Exactement. Faut que tu te mettes dedans. Tu prends le nombre de consommation que tu as besoin pour être dans cette vibe-là. Exact. Comme être dans une vibe d'agressivité à propos de Marble Madness, ça prend beaucoup de gin. Oui, oui, oui. Puis, comme on dit toujours, tu sais, tu fais ton WEG. Là. Si t'as besoin de faire un somme l'après-midi, tu y vas. Il y a du monde qui vont courir le matin pour juste se dégourdir. Il y en a qui jouent à Magic un peu. Tu veux slacker de boire. Tu veux boire beaucoup. Tu fais ton WEG. Le monde, tant que t'es pas désagréable avec tout le monde, mettons. Là, genre, exact. Tiens-toi si t'es pour boire beaucoup. Ben, c'est that's it, là. Puis c'est pratiquement jamais très, très, très, très peu. Là, que quelqu'un était vraiment trash. Des débordements, il n'y en a pas autant eu. Là, années, non, c'est là, ça. Ou rien de majeur. Là, ça a tout le temps été bon. Chris, il est chaud, puis il est un peu loud. Puis limite dangereux, mais... ouais. Ouais, on se rappelle de quelqu'un qui t'a tiré une canne de bière par la tête. Ah, never forget. Bon, on s'en va dans Facebook. Facebook. Jonathan Ayotte. Qui pensez-vous qui va gagner la Coupe cette année? Je parle de quoi? Cette année. Les Oilers. Revanche ou deuxième défaite? Les Oilers cette année. Ouais, moi aussi, je pense que c'est cette année que ça se passe. Il y avait une stat que j'avais vue, genre, Gretzky n'avait pas gagné la Coupe. L'année d'après, première coupe. Après ça, Mario Lemieux, pas de coupe. L'année d'après, sa première coupe. Genre, tout le monde, genre des grands capitaines, ça a fait ça. Genre. Fait ah ouais, les grands joueurs. McDavid va être écœuré là, aussi. Les grands joueurs en tabarnak qui veulent leur coupe. Là. Les Panthers, ça me tente pas. Là. Je veux la coupe au Canada. C'est une belle dynastie quand même, les Panthers, là, maintenant. Ouais, mais ils ont Brad Marchand en ce moment. Fait. Ouais. Je sais pas s'il va rester, j'ai hâte de voir. Je pense pas. Mais c'est un powerhouse en ce moment, les Panthers. Ah, tellement. C'est un club. Une belle finale, une belle reprise l'année passée. Là. Ouais. Fait qu'on y va avec les Oilers, mon cher. Les Wheeler. Charles Trudeau, si demain les jeux rétro commencent à perdre la valeur, tu vends ta collection avant d'être trop perdant ou tu les gardes en espérant que ça remonte? Ça dépend de la vitesse à laquelle la valeur descend, mais tu sais, comme si je me ramasse, tu sais, il va être trop tard. Faut que tu vois venir le coup avant. Ouais, ouais. Donc, le meilleur moment pour vendre votre collection, c'était pendant la COVID, où est-ce que tout valait extrêmement cher et tout le monde était prêt à payer cet argent-là avant qu'il y ait une fin de COVID, une récession et des prix astronomiques comme présentement. Donc présentement, les gens ne veulent plus acheter vos jeux super chers. Donc c'est dur de vendre des jeux chers présentement. Mais à ce moment-là, ben, les jeux étaient un petit peu moins chers quand même, mais ils étaient quand même chers. Et puis, c'était le temps de vendre. Il n'y aura pas un crash direct de même de jeux de rétro. Là, exactement. À moins qu'il y ait... quasiment pas. Là. Mais les jeux NES ont été touchés par des prêtres pédophiles. Oh non, viens, ça veut plus qu'il vaut d'argent. Mais sa question veut peut-être aussi dire, je le sens, tu sais, est-ce que je check la valeur de ma collection pour essayer de la vendre un moment donné ou whatever. Ouais. Ma collection, j'en tiens pas compte. T'sais. Moi, je vis ma vie avec mon argent, mon salaire, mes affaires et tout ça. Et puis, l'argent. C'est pas un plan de retraite ou quelque chose, genre de collection. C'est chez nous, puis je l'ai, puis je l'aime. Puis si un moment donné, je suis tanné, je vais la vendre, puis c'est tout. Mais c'est pas dans le but de faire quoi que ce soit avec l'argent qu'elle pourrait me ramener. Et puis, c'est pas dans le but d'essayer de pogner le bon spot pour en tirer le maximum. C'est très passif. Puis c'est peut-être niaiseux de ma part de penser de même. Parce que, idéalement, je vendrais dans le meilleur temps. Mais je collectionne pas pour... faut tenir compte de du prix que tu payes tes affaires et puis de la valeur de tes choses, puis que tu réfléchisses un peu pour faire n'importe quoi. Mais puis ça, c'est important. Puis je me suis obstiné avec une couple de collectionneurs. Sur le CCJVQ, parce que oh, les jeux, c'est fait pour jouer, c'est pas important la valeur. Non, Chris. Non, la collection, quand tu dépenses de l'argent, aussi, là, faut que tu l'apprécies, of course. Mais quand tu dépenses de l'argent, tu sais, il faut que tu penses à où est-ce que tu calisses ton argent. Ouais, ouais. Fait que c'est important, ça, là. Donc, c'est pas con. Ma collection a pris de la valeur. Fait que pour moi, tu sais, comme c'est pas. J'ai acheté Kit Dracula dernièrement, boîte et livret. Ça m'a coûté au-dessus de 1000$. Mais c'était pas un achat con. Puis c'est un achat qui m'a rendu heureux. Et puis voilà. Mais non, je la vendrai pas. Rémi Chabot, pour Jeff. Tes prédictions pour le Money in the Bank? On va aller voir les matchs de bord de Money in the Bank parce que je m'en souviens pas. Jim dans le chat qui dit « Moi, j'aime bien trop ma collection Game Boy pour la revendre. » C'est beau, ça. Bravo. Mr. Rat qui dit « Moi, je parle souvent que les... Ben, » Moi, là. Je parle souvent que les grosses journées comme la sortie Switch 2 ou des gros lancements donnent des super journées de vente au magasin. As-tu des grosses attentes pour demain? Tu vois, demain, ce qui va se passer, c'est que tout ça est cher. La Switch est chère, les jeux sont chers, tout est cher. Fait qu'on se dit, hey, le monde vient dans le magasin, ils achètent ça, mais aussi ils vont pogner autre chose. Mais j'ai pas l'impression qu'ils vont tant pogner autre chose demain parce qu'ils vont dépenser énormément sur le coût de ces affaires-là. Fait qu'on va tout vendre ça demain, puis ça va être fini, et puis on va passer à autre chose, là, tu sais. Donc Money in the Bank. Lutte, Money in the Bank. Cody Rhodes et Jey Uso contre John Cena, Logan Paul. Je vais dire Cody Rhodes, Jey Uso qui vont gagner. Après ça, on a le Money in the Bank ladder match, donc des hommes. Solo Sikoa contre LA Knight, Seth Rollins, Penta, Andrade, El Grande Americano. Seth Rollins va gagner, assurément. Je mettrai ma main au feu pour celle-là. Alors, on descend encore. Bon, le ladder match des femmes, on va le dire. Stephanie Baker, donc la nouvelle qui vient d'arriver d'NXT, qui va gagner. Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Becky Lynch va gagner. Et c'est tout. C'est une très petite carte de 5 matchs. Oui, quand même. Ouais, ils font des très petits pay-per-views de ce temps-ci. Retro Gamers fan dans le chat qui me demande si je vais me procurer une Switch 2. On s'en procure chacun une, les propriétaires ici chez Retro MTL et That's It. Donc, on ne les payera pas. Pas ça, sa compagnie. Ben oui. Et puis, je ramène ça chez nous. Mais s'il avait fallu que je la paye, je n'aurais pas acheté. Et puis, pour moi, la Switch 2 va juste me servir à jouer à des jeux de Switch 1. Mais plus rapidement. Qui l'autre vite. That's it. Et Mario Kart, ton gars. Oui, exact. Mais je vais le checker un peu, Mario Kart. Peut-être que je vais m'aventurer là-dedans. Toi, Jeff, as-tu te pogné ça, une Switch 2? Non, pas que je m'en sacre, mais pas pour l'instant. D'un, j'ai pas l'argent pour ça là. Pour dropper 750$ pour Mario Kart, là. Non, pas pour l'instant. Ma Switch 1 est tellement pas usée, là, de toute façon. Ouais, c'est ça. J'ai trop d'offres de jeux, là, aussi. Là, le VR, le PC, le PS5, je suis un peu partout. Puis je joue pas tant non plus en même temps, là, ce temps-ci, fait pas pour là. Non, c'est ça. Si ça dormirait emballé chez c'est vous. C'est ça. Là. S'il y a un gros... Ben, je vais aller sur l'Atari 7800 en plus avant, probablement. c'est plus intéressant. Oui, ça va être fait, là, au moins. Là. Commence par... Priorité. Ouais, une affaire à fois. Mathieu Beauséjour, vos coups de cœur du WEG, jeu, bouffe, votre choix. Bon, on a déjà beaucoup couvert le WEG. Check. Kevin Boily, si Castlevania Classic recevait un revival dans le genre de Shinobi et Ninja Gaiden, quel serait... votre wishlist. Style graphique, personnage jouable, histoire, progression linéaire, branching path, stage select à la Rondo of Blood, weapons, etc. C'est très précis, ça. C'est très précis. Le style graphique... je voudrais que ça soit un petit peu plus... Ben, le nouveau Ninja Gaiden, là, qui est fait par les gens de... qui est fait par Kitchen Games... les gens de Blasphemous. Ça, tu vois, c'est un look que j'aime bien. T'sais, qui est comme pixel, mais beaucoup de pixels. Ouais. Mais c'est quand même rétro-ish. Là. Fait que ça, c'est très cool. Donc, moi, j'adhérerais à ce style-là. J'aimerais bien ça. Et puis, je pense que j'irais avec pas un full-on de Metroidvania, mais pas stage par stage non plus. Je le ferais comme Rondo, que tu peux faire des niveaux, mais que tu peux revenir les refaire un petit peu, là, ça tente, mais des niveaux linéaires. Là, un petit peu d'exploration, mais peu. Je trouve que c'est une belle balance. Et puis, that's it. Les weapons de base. Là, j'irai avec ça. Un bon fouet. Yannick Martin, est-ce qu'il vous arrive d'avoir de longues pauses pendant lesquelles cela ne vous tente pas de gamer? Dans l'affirmative, qu'est-ce que vous faites pour retrouver le goût de jouer? Entre parenthèses, je suis un peu dans une passe creuse. Ces temps-ci, j'essaie de retrouver le goût. Moi, j'ai pas beaucoup de ce temps-ci. J'ai pas le temps. Mais c'est parce que j'ai pas le temps, là, aussi. C'est surtout ça. Là. Genre, j'ai et pas d'énergie du tout pour gamer. Ou ouais. À peu près pas. Si c'était pas du podcast, genre, ou du WEG, mettons, genre, je pense que ça tomberait un peu dans l'oubli pendant un bout pour moi, là. Le gaming, le en gaming, général. Ouais. Ça resterait un peu là, mais j'aurais pas le temps comme je fais. Mais là, je me force un peu. Mais j'aime quand même encore ça, là. Mais c'est les priorités qui shiftent, tout ça, à un moment donné, là. C'est tough, là. Mais dans tes passe-temps, là. J'ai pas de temps de passe-temps, mais oui, j'ai... Quand ton gars est couché, là, mettons, mort du soir, ou t'as pas ton gars, mais... J'ai pas mon gars, je meurs aussi. je fais l'épicerie et mes choses, puis j'enlève les marmots de la piscine. Ouais. Mais oui, j'ai dans une petite game avec quelque chose là, sur le site, puis tu sais, genre, je pense pas que ça partirait, mais je ferais pas genre, je ne suis plus gamer, je vends tout et je game plus jamais. Là, ouais, ça, ouais. Ça arrivera pas, là, mais oui, des moments que je game moins, là. Puis je dis, comment ça revient? Tu peux pas forcer ça, parce que c'est du divertissement, là, fait. Ça va finir par revenir à un moment donné, là, si tu pognes le bon jeu ou le bon moment là, pour jouer. Là. Je pense qu'il faut que tu pognes le bon jeu aussi des fois. Moi, j'ai du temps, là, fait que je game beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai des cycles. Là, je me dis, OK, là, je me start Metroidvania, justement. Ça va être long, je le sais. Puis, ou Sea of Stars, whatever. Ça, c'est cool. Puis, tu vois, Bad Boy, là, c'était fallait que je fasse un jeu de cette longueur-là. Ouais. Parce que c'était pas trop long. Puis je savais que j'allais pas, tu sais, rusher. Je savais que j'allais le finir, là, sans rusher follement. Puis que j'allais avoir du petit plaisir. Puis c'était, whoop, c'était juste bien. Fait que là, ben là, la Switch 2 arrive demain. Mais, ben, anyway, je jouerai à rien. Mais j'ai mon backlog, tu sais, faut que tu choisisses le bon jeu au moment qui fit aussi, là. Puis il y a des jeux, là, que je veux faire. Puis que j'ai entamé. Puis que j'ai abandonné. Ouais. Après, genre, pas longtemps. Parce que c'était pas le bon moment, là, tu sais. Puis je l'ai senti. Puis je suis comme, fuck off. C'est pas là, là. Je le vends pas tout de suite, je vais y revenir, mais là, c'est pas le bon, là. J'essaie de remettre ça dans mon horaire un peu plus steady, parce que je veux faire UFO 50 sur PC. Quoi ça, donc? C'est un jeu qui est une genre de compagnie console qui ont une fausse compagnie console, puis t'as genre 50 jeux dedans de l'évolution de toute la compagnie, là. OK. Fait que ça part très rétro, puis ça va à des. Puis c'est plein de ah, styles oui, de jeux. Ah oui, Bonnet c'est vrai, a joué à ça beaucoup dans le WEG, là. Ouais, ouais. Ouais, Fred m'en avait parlé puis aussi. Puis en arrière, de ça, il y a genre des affaires cachées aussi, là. Fait que ça a l'air très bien, puis c'est sur PC seulement pour l'instant. Fait que ça, je vais le commencer bientôt, là. Ah oui, ça a l'air vraiment hot, en effet. J'ai ça, puis j'ai genre Cult of the Lamb, là, qu'il faut juste que je fasse play sur mon PC, que je l'ai aussi, je vais jouer ah, un peu. Ah, c'est bon, ouais, ça, ouais. En effet. J'ai plein de mon jeu, faut juste que je trouve le temps, là. Ah oui, mais quand j'ai pas le goût, j'ai pas le goût. J'écoute la télé avec ma blonde. Ouais, j'ai beaucoup de ça aussi. Je fais du rattrapage de télé puis d'autres affaires. Là, exact. Mais genre, cette semaine, j'ai pogné la Playdate puis j'étais comme, c'est cool ces jeux-là qui viennent de sortir. J'ai joué un peu puis j'avais du sacrament de plaisir. Exactement. Parce que t'es rapide puis là, ouais, t'as mais besoin ça, de fait ça. Je suis quand même un gamer dans l'art, mais oui, ça arrive là, des passes que t'as pas, juste pas le temps. Ça, j'écoute pas 1000 séries télé en même temps non plus parce que je n'ai pas le temps. Exact. Avant, j'en écoutais plein. Je peux écouter 6 épisodes de Lost d'une heure le soir, puis il n'y a pas de trouble avant. Là, ouais. Là non, j'ai pas le temps. C'est clair. Jim dans le chat qui dit qu'il y a des passes pour des petits jeux de Game Boy relax. T'sais. Moi aussi, j'alterne rétro, next-gen. Ben, next-gen. Metroidvania, Switch. Après ça, je me dis, je vais faire un petit Game Boy, ouais, ou ouais. Un petit NES, ou un petit. Là, j'ai fait au TurboGrafx 16 Legend of Hero Tonma. J'en ai parlé, je parle pas de tout de suite, allez voir le groupe Finir Facebook des Finir des cassettes. Ouais, je vois tes posts passer. Genre, c'était un petit quick ça, puis je suis content de l'avoir fait, c'est un jeu qui vaut très cher. Mettons sur Picross moi un peu. Là. Ouais, c'est ça. Me casser la tête encore plus. Ouais. Mais je me fais une liste aussi de jeux qu'il faut que j'essaie dans le rétro. Là. Je les boot dans ma pocket, ouais. Et puis je les teste tout un par un. Là, j'ai Submarine Attack. Au Sega Master System, okay. Qui est un shmup de sous-marin. Oh, wow. Un peu à la In the Hunt, ouais, qui ouais. Sont les gens qui ont fait Metal Slug, mais c'est un shmup de sous-marin. Ça, au look de Metal Slug, c'est fucking bon. Et puis, mais ça, de Submarine Attack au Sega Master System, c'est comme un In the Hunt des pauvres. Oh. Mais je suis comme, waouh, ça a l'air pas pire, des gros boss, puis tout. Là. Ouais. Ça, c'est mon nouveau truc. Faut que j'aille essayer cette affaire-là. Ouais. Guillaume Roy, il y a peu de jeux point and click. Aventure à la Maniac Mansion ou plus récemment Dead Tomb sur console. Aimez-vous un coup de cœur? Moi, je suis désolé, c'est zéro puis une barre. Moi, j'aimais ça beaucoup, mais avant, au PC, dans les années 90. Puis genre Day of the Tentacle. Ouais, ou genre Police Quest SWAT, là, puis c'est quoi, Gabriel Knight, là, puis ce genre d'affaires-là. Là, c'est... Mais récemment, j'ai pas joué à vraiment de point and click là, sur PC. Chuchel, je peux jouer à ça sur PC. Ok. C'est un point and click, genre un peu funky qui dure 2 heures. Là. C'est une boule de poêle, puis c'est genre des jokes tout le temps. Là. C'est un bon jeu. Chouchel. Chouchel, c'est-tu? Nick Lachapelle. Ah, ça a l'air compliqué. Ah, ouais, le gars de la balle molle. Il nous troll, je pense. Il nous troll tout le temps avec ses hosties de questions. Inventer un jeu de combat 16 bits SNES ou Sega Genesis à la Teenage Mutant Ninja Turtles sur Ultimate Fighter et dites-nous quelle franchise en serait la vedette et pourquoi. Version québécoise, là. C'est des artistes québécois. Chop Suey. Oh, la téléroman Chop Suey. Non, mais genre, oui, mais tu mixes tous les bonhommes de toutes, là. Genre, fait que, Béroff de 19-2 qui se bat contre Manolo de genre, je sais quoi, l'émission, mes affaires, là. Wow! Quelle bonne idée. Fortier contre fucking... Elvis Graton. Moment dans Petite Vie. Ramdam, ouais, on, pour Manolo. Hey, tout le casse de Ouattatata. Couillard, esti. Les couilles, esti. Einstein. Couillard contre Carl le 4 charret de Réseau Enfer. Le 4 charret, c'est ça. Moi, je pense que Jean-Loup Duval. Hey, man. Ah, ouais. Puis là, il y en a des vieux, là. Ah, ouais. Pierre Lambert, esti. Vas-y, lancez-le. Cherchez lancez-le pour booster ma tête. C'est ça. À coup de bâton de hockey d'en face. Wow. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. On travaille là-dessus, puis on vous revient. On vous revient. Merci, Nick. On va le faire. Éric Théroux, un des boss du moment, Final Fantasy, Metal... Voyons pas. Magic the Gathering. Collab Final Fantasy. On veut plus de collaboration de genre ou ça n'a plus de rapport? Moi, personnellement, j'aime beaucoup ça. Puis ici, il y a de quoi qui fit Magic, c'est bien Final Fantasy. Ouais, ouais. Puis c'est tellement un vaste univers. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup de Magic à l'époque que je jouais, c'était aussi de lire les cartes, les bonhommes, tu sais, l'histoire. Il y a une histoire à travers ça. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est encore le cas de nos jours. Peut-être un peu. Mais là, je sais pas si les gens qui jouent aux cartes Magic sont en tabarnak de voir ça. Ou ils se disent, là, ça devient n'importe quoi. C'est la prostitution, on n'a pas besoin de ça. Ouais. S'ils trouvent ça sale, tu sais, de faire ça ou non. Mais de ce que j'ai entendu en jasant avec des gens de Magic, c'est que cela s'est vendu comme immédiatement. Là. Le monde a acheté ça à côté, là, Final Fantasy Magic. Là, ah, c'est clair. Fait que moi, je dirais oui, parce que je trouve ça le fun. Ah ouais, pourquoi pas? Puis pourquoi pas? Ça brise rien, ça lie pas aucune des compagnies. Là, absolument. Ils l'ont essayé, ça a marché. Ben, ouais. Ben ils en feront d'autres, peut-être. On dit le prof bof contre Timmy. Ouais, c'est ça. Le prof bof contre, genre, Rénald Paris, genre, qui marque la brèche les deux. Là. Ah, c'est marque la brèche contre lui-même. Dans... Ouais, c'est ça. Ben, juste marque la brèche. Juste marque la brèche Universe. Oui, marque la brèche Fighting. Exact. Marque la... tous ces personnages. Serge Saint-Hilaire, salut! Me demandais si, dans ta jeunesse, tu avais rencontré des gens qui avaient réussi à compléter des jeux NES à difficulté extrême, genre Battletoads ou Ghosts and Goblins. Je pense que non, moi. Non, moi non plus. Il y a personne. J'avais pas d'amis qui étaient experts de jeux vidéo. Là. Non, moi avec. Le monde, je suis la personne qui était le plus intéressée dans les jeux vidéo que je connais. Moi, c'est probablement, pas mallette, là, on joue ensemble, là, mais... Mm. Ouais. Il y avait... Non. Puis le pire, c'est que j'ai celui qui en avait le moins, tu sais. J'ai eu une NES super top. J'allais chez tous mes amis puis je collais chez tout le monde pour jouer aux jeux vidéo. Puis eux-mêmes aimaient jamais leurs propres jeux vidéo autant que moi, j'aimais les jeux vidéo, tu sais. Fait que... non, j'ai... C'était moi, puis... That's it. Mais j'ai jamais fini de jeu extrême non plus quand j'étais jeune. Donc, Castlevania 3, I guess. Mais c'est pas un jeu extrême, limite broken, comme Light Battletoads ou Ghosts and Goblins. C'est juste un très bon jeu, difficile, mais faisable. Patrice Depeau. C'est nouveau, ça. Je pense que je ne l'ai jamais vu avant. J'aimerais savoir, quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez des PC et jouiez-vous à des jeux? Époque 486 Pentium 1. Si oui, quels sont vos coups de cœur de jeux séries marquantes ou vos bons souvenirs concernant les jeux PC rétro? Si la question vous a déjà été posée, et je te confirme que non, pour de quoi d'aussi anal PC, posez-je, skippez-la, merci. Moi, jamais eu de PC à maison. Fait que j'ai toujours eu un PC à maison. Fait que mon père tu as joué à ces affaires-là? Oui, tu as joué à tout ça. Moi, j'ai joué Duke Nukem 3D, Warcraft, toutes les Command & Conquer, toutes le Starcraft 1. Command & Conquer, Gear, pour moi. Red Alert, pas civilisation. C'est quoi le jeu? J'ai un autre blanc, là, mais ce genre de jeu-là là, que tu construis une civilisation qui est... Ouais. Age of Empire. Age of Empire. Tout ça, tous ces jeux-là, j'ai joué beaucoup. Tous les points d'inquiétude qu'on a parlé tantôt aussi, jeux d'aventure comme ça. Même le hockey, je l'ai pogné. 97 était disponible sur PC. J'avais okay. joué au PC. Jouais à Warcraft avec mon ami Mallette. Genre, en TCP/IP, on essaie de se connecter sur le web. On comprenait rien. Là, puis ça, des fois, ça marchait. Là. Ah ouais, hein? Ouais, fait que ouais, j'ai tout StarCraft. StarCraft. StarCraft, ouais. Mais ouais, tout ça. Hacker plein de jeux aussi dans le temps, là. Fait que tous ces jeux-là, as-tu un gros coup de cœur là-dedans? Là? Mettons un que tu sais que t'as collé, là. Bah, Warcraft 2, là, assurément. StarCraft 1. Duke Nukem 3D, là. Juste parce que c'était ridiculement over the top. Là. Ouais, c'est ça. Et Red Alert. Bon. Voici ton top 4. Ouais. Petit Patrick Doyon. D'après vous, combien de temps encore avant la fin de production de jeux physiques pour la Switch 1? Deux générations. Pour la Switch 1? Switch 1, excuse-moi, ouais, ouais. Ah, c'est une bonne question. Si je me fie à la Wii U et la Switch, c'est que la Switch est allée regrabber tous les jeux de Wii U. Fait que, mais pendant un court moment, un an, genre, ouais, ouais. ils font les jeux pour les deux, puis après ça, ils arrêtent, tu sais. Ou ils vont rechercher les jeux d'un, puis ouais, ouais. comme là, présentement, on a des affaires, genre, tu peux, ils revendent Kirby, ils revendent les deux Zelda. Mario Party, Bundle, machin. Fait que, tu sais, ils vont faire ça un peu présentement. Moi, je donne un an là, puis ils vont arrêter tout ça. C'est possible, ouais. C'est ma prédiction. Stéphane Talbot. Talbot. Pas Talbot, Talbot. Talbot. Comme en bourse. Voyez-vous les jeux 3D comme la Nintendo 64 et compagnie comme un réel rétro? Et Dom, comment vois-tu le marché du rétro dans 10 ans? Alors ça, c'est une question qui ouvre très large. Ouais, ouais. Ben, la 64 3D, c'est du réel rétro totalement. Maintenant, là. Oui. Là, c'est fucking rétro, tant qu'à moi. Là. C'est les premiers balbutiements du 3D, mais c'est du rétro quand même. Là. Exact, exact. Je pense que moi, je partirais mon rétro à PlayStation 2, là, présentement. Cette génération-là en descendant. Puis au-dessus de ça, PS3, c'est pas rétro encore tant que ça. Xbox 360, je considère pas ça du rétro. Ah, mais non plus. C'est... Ouais, c'est... Ouais. Mais du Xbox OG... C'est du rétro de la current gen, un peu, là. Genre, ouais, c'est ça. De ces jeux qui sont tous rendus des PC, ces consoles-là. Fait que exact. Avant, c'était moins ça. Ouais. Puis pour la question du rétro, man, je peux pas... On s'en parlera dans l'épisode de 412 dans 10 ans. Dans 10 ans, je vais avoir 55 ans. J'ai hâte de voir où est-ce que je vais en être avec tout ça. On va mal au dos, probablement. On va être encore assis ici. La même avec table, pas poster, de décor. Le poster sur le mur. Il va y avoir des sunburns dessus. C'est ça. On va être nos bedaines. Il va falloir être de même. Ouais, comme ça. Ah, je suis trop fatigué pour répondre à ça, Stéphane. Je suis désolé. Coots, Steph, à quand un Castlevania 5? Fucking jamais, apparemment. Oh. Ça, c'est, on attend tout le monde ça, puis il n'y en a pas. Alors, on le souhaite, le vrai de vrai Castlevania 5. Ça serait beau. Je sais pas où est-ce qu'il l'insérerait dans le timeline avec les autres, wow, ouais. Les Metroidvania et tout ça. Mais un beau 5, là, ça serait beau. Tu sais que Konami, il engage du vrai bon monde pour le faire, parce que eux, ils seraient pas capables de le faire. Puis c'est un 5, le gros V. Là, ouais, tu sais, genre, il y a le trailer, t'as juste genre Konami avec genre du noir, pis ça disparaît, pis t'as le V. Ah ouais. Là, tout le monde chie dans leur culotte. Ah ouais, pis là, il se met à couler du sang. Ouais, ouais, qu'est-ce que c'est ça, je pense. Une envolée de chauves-souris. Et là, voilà. Comme dans le bon vieux temps. Le Québécois Gamer et le petit lutin oui. podcast. En passant, ton passage au M2 Gaming était excellent. Merci nice. Beaucoup, j'en ai parlé en intro pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Très apprécié. JC Goyette. Salut les gars. Avec des jeux indépendants québécois comme The Messenger, Sea of Stars et Revenge of the Savage Planet. Ça, je connais pas. Non plus. Qui s'en donne à cœur joie avec le joual? Ah. Pensez-vous que notre culture est en bonne posture dans l'industrie ou croyez-vous que nos développeurs peuvent pousser l'enveloppe au-delà des barrières linguistiques et humoristiques? Soit côté historique, mythologique, et autres. Continuez historique, il devrait tellement aller piger là-dedans. On a du bon du bon lore, du bon folklore. Du bon folklore en fait. Juste, genre, on en parle souvent, mais de la chasse-galerie, là. Il est où le schmob de la chasse-galerie? Ouais. Genre, donnez-moi ça, là. Schmob qui finit justement en platformer, t'en vas sur les bio de bois, puis tu sautes, là. Ah, ouais. Mais ouais, tout le nord québécois, il y a un jeu de PC qui est sorti récemment, là, qui était dans le nord, dans l'hiver québécois. C'est, tout ça est très riche, là. Absolument. Chris, le nord, les barrages, tu sais. Les barrages d'eau électrique, il y a quoi à faire avec ça. Dans le nord, le Nunavut, il y a plein. Il y en a du stock. On a une... Québec de game. Québec game. Non, mais juste s'inspirer des paysages, des animaux, toutes ces affaires-là, les saisons. Il y a de quoi à faire avec ça, je pense. Absolument, tu sais. Il y aurait des beaux jeux narratifs à faire aussi, ouais. Mm. J'ai toujours dit que ce serait mon jeu numéro 2 de Cold Bites, la chasse-galerie. Ah ouais, Michael! Vas-y, Michael, fais-le tout de suite à la place. Ton jeu de chasse-galerie. C'est malade. Ça serait très hot. Puis, non, il y a de quoi à faire avec ça. Puis, ça serait bien hot que ça se fasse. Ouais, en ouais. effet, là. Je comprends que ça peut sonner pas peu vendeur. C'est tout. Si le jeu est bon, c'est... Puis peut-être, tu sais, on peut saucer avec un petit jeu là, rétro là, en bit, là, tu sais. Oui. Un fucking bûcheron avec une ceinture fléchée, rien que pour niaiser, mais dans les arbres, tu sais. Les Français pensent encore qu'on vit dans les igloos, fait qu'on peut le faire. Faisons-le, mettons des igloos puis du sirop d'érable, allons-y all-in, là, tu sais. Des tableaux sur la glace, puis là, quand t'arrives sur le sirop d'érable, ça colle, ça t'arrête, là. Exactement, là, exactement. Pourquoi pas? Ben oui. Jim Gendron, qui est dans le chat, c'est Jim 99999. Vous pouvez ramener à la vie une star. Une star. Une star. Une star. Laquelle ramenez-vous? Sacrement. Ok, n'importe qui. Là. Un genre, artiste. Genre Tupac. Ah oh, ouais, ou Tupac, ouais. Ou. Je sais pas, man. Dédé Fortin, moi. Ça serait lui, hein? Plus que Carl Tremblay? Oui. Ouais. Moi, je suis plus coloc. Moi aussi. J'adore les Cowboys. Je trouve qu'ils ont fait un œuvre incroyable. Absolument. Mais je trouve qu'on a été. Privé de Dédé Fortin très rapidement. On n'a pas eu son meilleur, fait que je ramènerais Louis. Louis. Ouais, Louis. Ouais. Moi, pour vrai, c'est très cheesy, là, mais la mort de Tupac m'a rentré dedans. J'étais très surpris parce qu'à cette époque-là, j'étais all-in dans le hip-hop. T'sais, j'ai une grosse phase qui a duré plusieurs années d'écouter du rap. Et puis, Tupac, j'écoutais ça. T'sais, j'étais à jour. Là, t'sais, j'écoutais les albums qui sortaient, là, Machiavelli, tout ça. Puis là, il est mort, j'ai comme tabarnak, ça m'a troublé. Puis c'était jeune, ce monde-là. C'est incroyable comment ils sont jeunes. Là, il y en a plein. Chester Bennington de Linkin Park, là aussi, genre, c'est un que tu peux ramener. Là, c'est Kurt Cobain. Il y en a tellement. Mais pour vrai, je prends jamais le temps de penser à ça, là, par contre. Ah, moi non plus. Tu sais, Picasso, ça peut aller loin, là. Salvador Dali. Oh, mais ce monde-là, on a tous des œuvres déjà. Ah, ouais, c'est ça. Ben ouais, mais oui, Freud, ouais. Bon. Dominique Ostigui qui est dans le chat, c'est Pipi Cacapouel. Meilleure anecdote de brosse de Weg. Ah, on a une coupe tantôt, là. Là, je veux juste voir. Ok, on est capable de finir ça rapide. On a assez parlé de Weg. On passe à la prochaine. Il y en a plein. Allez réécouter les archives sur Young Media sur Twitch si vous voulez des anecdotes de Weg. Il y en a plein. Jason Fleury, Switch 2, maintenant ou cet automne? Jamais. Moi, ça aurait été le plus tard possible. Moi, si je l'achetais avec mon argent, le plus tôt possible. Ah ouais. Puis, SS Frank dans le chat qui dit « Est-ce que vous suivez le procès de P. Diddy? » Est-ce que vous pensez qu'il va aller en prison? Je le suis pas, le procès, non. J'aurais juste les mimes par rapport à ça. Là. Ouais, c'est ça. Ça parle beaucoup d'huile de bébé. Ouais, beaucoup d'huile de bébé, en effet. Mais non, moi, la Switch 2, je l'aurais l'année prochaine. Whatever, c'est une Switch Pro. Jusqu'à ce qu'il y ait des jeux un peu aussi. Là. Présentement, les jeux, man, on s'en sert. Mario Kart, c'est hot. Puis il me semble que j'avais pas acheté la Switch direct, je pense, quand elle est sortie, il me semble, moi. J'avais attendu qu'il y ait un gros jeu de Mario qui sorte, quelque chose du genre. Là. Hey, moi, j'avais attendu longtemps, puis je l'avais même acheté Refurbish. Toi, au podcast, tu chiais là-dessus, puis tu t'arrêtais pas de dire « Je vais jamais acheter ça genre, avant que ça sorte. » Exact, là. Parce que c'était juste des fucking jeux. Ouais. Je m'en fous, moi, des jeux Nintendo. Je joue jamais aux jeux Nintendo. Chose à ça, jamais que je joue à ça. Là, des Mario, puis des Zelda un peu, les mecs. Mais je joue jamais. Faudrait qu'ils m'annoncent un gros Mario pour que je l'achète, là, ou quelque chose d'immense. Là. Ah, ben ça va venir. Oui, ils n'ont pas le choix. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. Le prochain Mario en 3D sera peut-être là que je vais l'embarquer. Puis Benjamin Gazaille, juste au-dessus. Gazaille! Switch 2 ou Steam Deck? Steam Deck. Pour l'instant, fucking Steam Deck. C'est ce genre de jeu-là que je joue. Si vous avez rien et que vous voulez acheter une affaire portable, Steam Deck, parce que le prix des jeux de Switch est les prix des jeux de Steam est imbattable. Là. Ouais. T'as des 90% de rabais tout le temps. Genre, tout est tout le temps à rabais. Fait, t'as une grosse librairie. Et accès aux jeux de PC. Ah, écoute. Voilà. Et doc sur la télévision. Fait que c'est une Switch PC. Une crise de bonne machine. Ouais, ça m'en prendrait une, puis je n'ai pas de besoin. Non, Atari 7800 avant. Absolument. Jason Gawette de l'Empire Gawette. C'est le début de la pêche. Oui. Et lui, il pêche beaucoup, j'ai l'impression. C'est quoi avoir son paysage féerique dans lequel il évolue? Ouais. C'est quoi votre meilleur jeu de pêche? On accepte ici les mini-games. Puis là, Kevin Boilly a répondu, le meilleur jeu de pêche est celui que tu joues pas. Jason Gawet a dit, faux, c'est Suikoden 2. Donc j'imagine qu'il y a de la pêche dans Suikoden 2, j'ai jamais joué. Donc, c'est pas un jeu de pêche au Dreamcast avec genre une canne à pêche? Oui, Sega Bass Fishing, ouais. Ça c'est, je pense, un des très bons jeux. Au NES, moi j'avais quand même beaucoup joué à Black Bass. Ou c'était Super Black Bass? Non, Super c'était au Super Nintendo. Donc, mais je recommande pas tant ça. Mais je sais pas si ça compte comme de la pêche, mais Dave the Diver, mais ouais. C'est pas de la pêche là, à la ligne. Ouais. Là, fait que je connais pas beaucoup. Si vous êtes rétro, très rétro, Fishing Derby à l'Atari 2800, un beau concours de pêche, un jeu d'Activision. Dans les Zelda, il y a tout le temps aussi un mini-game de pêche, là, ou à peu près. Là, oui, dans Sea of Stars, il y en avait un, mais c'était très, très, très, très, très, très basic. Le jeu de pêche, pour vrai, j'ai pas beaucoup d'expérience. Non plus. Et il y en a tellement. Mais moi, j'avais. Oui, mais la Dreamcast avec l'accessoire canne à pêche sans fil, là, c'est le meilleur, ça. Ça, c'est dur à battre. C'est là, ça, quand même. Le fun est là. Très très bon accessoire, puis quand on en a ici, on les vend tout le temps, c'est, immédiatement. C'est là, clair. C'est, tout le monde veut ça. Michael, il dit pour lui, la Switch 2, c'est Day One pour les jeux de Switch et Nintendo en 4K HDR avec du Ray Tracing Basic. Fait que c'est des bonnes, c'est des belles stats. C'est des mots, ça, très... Ouais, juste que t'as du 4K HDR, c'est sûr que ça rend ça plus beau, là. Faut que tu veuilles jouer aux jeux Nintendo en très bonne qualité. Mais il faut que les jeux soient... Mike, est-ce que les jeux sont programmés en 4K ou c'est quoi? Ils sont-tu upscalés? Mes vieux jeux sont-tu upscalés? Ou... Ben, les jeux de Nintendo, fait que je sais pas, ils vont nous répondre. Ouais. Est-ce que la Switch 2 upscale les vieux jeux de Switch 1? C'est ma question. Voilà. Le HDR est en haut du 4K. OK. OK, donc mes jeux ne seront pas upscalés, non. Comme Mike dit. Mais au moins, ils vont loader plus vite. Ouais. Fait que voilà. C'est la puissance de la machine, ouais. Parfait. Denis Lessard, nommez-moi une mécanique de jeu que vous aimez vraiment et qui se démarque selon vous. Avec la bonne musique de Skate or Die dans le background. Faudrait qu'on pense, là. Ça, c'est Downhill Jam. C'est le Jam, là. En tout cas, je me comprends. Mécanique ah non, de ah jeu, non, c'est... Ah ouais, c'est le Downhill, ça. Ah oui, attends, remonte le son. Là, ça fait une loop. Puis là, ça fait tenut, tenut, puis ça revient, là. Drette là. Là, ça repart. De l'excellente musique. Mais cette musique-là, cette tune-là, c'est-tu que j'ai écouté ça? Là. Je capote. Je capote sa musique de Skate or Die. Une mécanique de jeu qui se démarque. Le pogo stick dans DuckTales. Ah, ces mécaniques-là de jeu dans les jeux. J'imagine, c'est ce qu'il veut dire. Là. Ah, ouais. Ah, je sais plus. On est fatigué. Le pogo attaque. Il en reste deux. Désolé. Non, mais non, les gens nous posent des questions. Faudrait qu'on les recherche avant, ceux-là. C'est ça, il est rendu 10h20 demain. C'est la Switch 2. Il faut que je sois. Tu es sharp. Fait que Yann's April, il en reste deux questions. On va y aller très vite. De toutes les PlayStation 1 à 5, quel est votre préféré et en bonus votre jeu ultime sur cette dite console? Merci. Lâchez pas les boys et on vous écoute à grandeur de la stratosphère. Nice. C'est très gentil. La 3. Ben. La 3 pour toi? PS3. Les plus gros jumps, je trouve, qu'il y a eu entre les PlayStation. Là. Puis c'est ton jeu préféré. J'ai beaucoup aimé la 2, par exemple. Moi, j'ai pas joué à la 4, j'ai pas joué à la 5. La 3, j'ai minimalement joué. La 4, j'ai joué beaucoup 5 aussi, mais c'est des jeux qui sont sur des PC aussi souvent. Fait... Ouais, c'est ça. Ah, m'a dit la PS2 pour Amplitude, Frequency, Sean Palmer, Pro Snowboarders, ces jeux-là. Mes grands classiques à moi, là. Moi, je vais dire la 1 pour mes classiques à moi. Symphony of the Night, Einhander, le shmup. Oui, Metal Gear Solid, Legend of the Dragoon et tous ces gros classiques-là, ceux que j'ai joués. Sinon, pour le reste... C'est toutes des consoles qui m'ont procuré énormément de plaisir. Là. Dans le chat, Monsieur Rat, il dit « Tu pourrais lui présenter ta collection et ton magasin. » Il parle de la nouvelle série de Julien Lacroix sur les collectionneurs. Il fait une série sur les collectionneurs? Ouais. Ah, mon Dieu, ben oui, il peut bien venir chez nous. Il va voir du stock en motadi. C'est drôle parce que c'est une chose que je voulais faire, ça. Comme à faire une émission, je pense que j'en avais déjà parlé, d'aller chez le monde. Ouais. Ah non, je pense que c'était avec RetroGamer.ca. Puis il avait commencé à le faire aussi, en fait, déjà à l'époque, d'aller, ça fait longtemps, d'aller chez les gens pour présenter leur collection. RetroGamer.ca l'ont fait. Ils ont quelques épisodes. Ils sont allés chez Vintendo, puis un autre dude dont on a acheté la collection. Fait que, oui, pourquoi pas? Ça serait fun. Ben, that's it. Sinon, la dernière question, c'est Mathieu Blache qui dit « Le tunnel carpien rejoint le tunnel du nez, lol. » Okay, voilà. On finit ça sur des belles stats. c'est quelque chose de drôle. Wow. Sur YouTube, il a mis son Hotmail en lien. OK. Il est sur Hotmail. Il est sur Hotmail, c'est très drôle. je vais noter ça. Comment il a dit qu'il s'appelait, le gars? Julien Lacroix. OK. Mais je le connais, je pense. C'est un humoriste. Ouais, c'est ça. Je pense que je le connais. Je l'ai vu. C'est pas lui qui fait une genre de face dépressive en arrière de sa collection de Mario. Non, ça, c'est Jean-Michel Martel. Ah, c'est lui, ça. Ouais. D'ailleurs, il m'a posé une question sur le dernier vidéo TikTok que j'ai fait avec le Game Boy Camera, puis j'ai répondu, puis il y a eu un beau reach. Fait que... Ouais, il avait été cancellé parce qu'il y avait eu des accusations d'agression, ouais. Oh, ah ben là, c'est peut-être un peu épeurant, d'abord. Et il a fait son retour, il est revenu, là. Je sais pas trop, là. Ah, ouais, attends. OK, ouais. Julien Lacroix. Ben, je vais le googler à l'instant. Il a fait beaucoup de soirées d'humour à Longueuil. J'avais été voir bien des shows avec mon frère d'humoriste de la relève, puis qui c'était lui animateur dans le temps, là. OK. Ah, ouais, hein. Ben, on dirait que ça me fait peur, là, à cette heure. Ah, ben, c'est ça. Mais tu t'associes pas. Le gars, il faut qu'il fasse son comeback, genre, pour revenir, puis que le monde oublie un peu, mais j'ai comme pas envie d'être l'outil. Ah, il y avait des problèmes d'alcool, il dit qu'il est sub maintenant. Ouais, ça tout. Tu peux regarder tout ça. Ouais, hein. Frank, il dit c'est-tu une bonne idée de s'associer avec lui? Ok. J'avais une autre personne en tête pour ça. Ouais, je sais si tu parles, mais. Fait que voilà. Lui, oui, là. Ok. Ben, je vais laisser faire ça, vois-tu. On pourrait sûrement Martin Lablaise. Je vais mettre dans Jean-Michel Martin Lablaise au podcast. Ouais, en effet. Viens nous parler de ta collection de Mario. Bon, ben écoute, Jean-François, on a réussi. Ouais, on va aller sur la musique de fin de show, alors. Gros spectacle. Oui, beaucoup de couverture. Commencé une petite fanfare, de la misère à trouver du parking. Ouais. Ça faisait beau, tout le monde était ses terrasses. Ah ouais, les terrasses, les belles terrasses d'Hochelaga. Ouais. Avec des pipes à crack à terre pétées. Puis ça a tabac à terre partout. le serveur, une pipe à crack. Ouais. Fait que, ben voilà, man. Sinon, rien de spécial à venir. Non, bon lancement de Switch 2 demain. Oui, ça devrait bien aller. Je vais essayer de faire un peu de coverage là-dessus. Et puis, sinon, la vie continue. Ouais. Alors, merci à tous les Patreons qui continuent de donner du gros argent. Et ça, même si on skip un show. Donc, ils en ont moins pour leur argent. Ouais. Mais, ben c'est la vie. Hein. Ça arrive, écoute-moi. Ça arrive, c'est correct. On est encore là. À 100... Combien? 158. 158 épisodes. C'est beaucoup d'épisodes, là, quand même. T'en as fait une bonne chier avant que j'arrive aussi, là. J'en ai fait au-dessus de 100 tout seul, mais on lâche pas, là. On continue, fait que... Un jour, on va faire le décor. Produire du matériel, là. Comment? On produit des choses. Il y a du stock en mots t'as dit. Ouais. Alors voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde. Yes. Merci les gens dans le chat d'avoir participé, comme d'habitude. D'avoir été très présent et très chaleureux. J'adore ça. C'est très apprécié. Très ça me rend heureux. Ouais. Puis j'aime le contenu qu'on fait aussi. Tiens, on parle d'Atari 7800. On parle partout, de je fais de la démence. Des numéros de hockey. Oui. Non, mais on est dans le rétro aussi beaucoup. Le rétro, le nouveau. On a fait un petit peu une incursion dans le VR, AR aujourd'hui. Exact. Ouais. Fait que la Playdate, tu sais, on va à bien des places que... On couvre le gaming en général. Là, peu ou pas de gens vont, puis ça, je suis bien fier de ça. Fait que c'est vraiment heureux. Fait que voilà. Donc, Facebook, Instagram. C'est Frank qui dit « Mon but préféré, c'est quand Jeff parle de Fort Boyard. » Mais on va faire la critique officielle un jour. Il va falloir que je le mette sa bannière du show. Ah oh non, s'il vous plaît. Le petit Fort Boyard. Il y a tellement de stock qu'on a parlé aujourd'hui, je ne saurais pas quoi mettre. Plein de petits carrés. Faisons juste trois. Ben, c'est parce que le show sort demain, mais demain, je vais être dans le blitz. Ouais. Fait que tu sais, j'aurais pas... Parce que je fais tout le temps le visuel le lendemain matin. et la description de tout ça. Puis là, j'aurais pas le temps parce que demain matin, on est dans Switch 2 à côté. Fait que ça se pourrait que le show, il sorte vendredi à la place. Je vais voir où est-ce que j'en suis. C'est bon. Mais ça sera bien bon quand même. Vous pouvez, ben, on dit ça au monde qui écoute le show. Qui écoute le show. Fait que ça, c'est réglé pour ce monde-là, ils iront sur Twitch. Puis that's it, là. Sinon, c'est tout. Exact. Puis allez écouter le M2 Gaming Podcast en attendant. Yes, ça vous donnera votre fixe, je l'espère. Voilà. Bon, ben, c'est tout. Merci à tous. À bientôt. Bye.